Et donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce premier épisode de Woolin. Et nous, on va pouvoir commencer. Vous êtes actuellement, du coup, tous les trois, Baobing, Zhaozhai, Jiaxing. D'ailleurs, je vais même commencer par ça, je vais vous laisser vous présenter rapidement, je vous donne vite fait le contexte dans lequel on est. Vous avez, au gré de vos aventures, tout comme nous l'avons déjà connu, traverser un village sans savoir véritablement que là-dedans vous allez rester plus longtemps que prévu. Le soir de votre arrivée, vous êtes arrivé à 5, accompagné de vos deux autres amis. Malheureusement, la ville a été prise d'un assaut de la part des djinns. Les djinns étant l'empire qui fait guerre actuellement à l'empire des Song, à laquelle du coup auquel vous appartenez. Appartenez, oula. Tout ça pour dire que ça a été une prise militaire rapide. Vous avez pour le coup essayé de lutter autant que vous pouvez, mais vous n'avez pas pu faire grand-chose. Et rapidement, vous avez été... j'ai perdu le mot, bien sûr. Mis KO, voilà, pour dire de façon pas du tout classe, vous avez été mis KO. Et Assommé. non, c'était pas assommé que je cherchais, c'était un autre mot. Mais c'est pas grave, on va pas rester 20 heures sur un mot. Tout ça pour dire que vous êtes actuellement enfermé, du coup, dans les géoles de la ville. Oh bordel. Avant de pouvoir entamer ce début, du coup, j'aimerais juste que, pour les spectateurs, du coup, qui nous regardent, et un peu pour vous-même, faire une rapide représentation de vos personnages. On va faire dans l'ordre du coup que je vois les gens sur mon overlay, donc c'est-à-dire B-Boy, Oxide, puis Valio. Et bah du coup, Bon. je t'écoute. Ben, moi c'est Baoming, hein. Artiste et poète, comme c'est marqué sur l'écran. Je sais pas trop quoi dire en vérité. Donc Vas-y. on T'es va une faire comme femme? ça pour l'instant et on verra la suite après. T'es une femme déjà, faut dire. Ah oui, ça c'est. Ça a l'air important pour certains. Que t'as sauté d'une chute d'eau à poil, que t'as montré ton petit cul. Voilà, faut le dire aussi. J'avais mes vêtements encore. J'étais en sous-vêtements. Marrant. J'étais en Bon. sous-vêtements. Non, ça n'existe pas les portes jartelles à cette époque. Voilà. C'est une C'était autre un vieux histoire, on va bagne. éviter de trop détailler ça. C'était pour les viewers du coup sur la C'est un cauchemar, il ne pré-campagne. fallait pas avoir. Mais on va éviter de trop évoquer du coup aisément la pré-campagne, vu que les gens ne l'ont pas vu, ça, ils risquent d'être un peu perdus. Mais voilà, bon, du coup, oui, effectivement, tu peux par exemple te dire que tu te bats avec un énorme pinceau lame. Ah, C'est un effectivement, peu oui, ça. j'utilise un gros bâton géant en fait qui a une petite cache, c'est-à-dire qu'aux deux extrémités il a deux sortes de bouchons. D'un côté, si on enlève, ça fait il y a une tête de pinceau, donc des poils de pinceau que j'utilise régulièrement pour peindre, etc. Et de l'autre côté, il y a une lame en fait que j'utilise pour sculpter. Et au milieu, sur le corps, il y a aussi des trous et des cordes que j'utilise régulièrement du coup bah, pour faire de la musique quand je chante ou pour faire des poèmes, etc. Tout à fait. Effectivement, du coup, Baoming, l'artiste, pour le coup, plutôt talentueux du groupe. On va passer du coup à Oxide, je t'écoute. Je suis Kaokai, je préfère dire Kaokai, enfin, entendre Kaokai que. Après. Je suis herboriste, homme médecin et bretteur de. Voilà. Pas un énorme passé, je brille pas de mon éclat de médecine. Je traîne une légère petite ombre douteuse entre mixture et personne, notamment les fameux thés que j'offre généreusement. À goûter aux gens qui le veulent, avec toujours le trac et la goutte sur la tempe de 3 secondes, si c'est pas bon. Voilà, je guéris les gens principalement, mais bon, je sais aussi les des coups de tatane. Ah Tout à fait. Oui. Très bien. Pas de grande explication, je suis comme là, Non, j'ai mais de toute façon, c'est barbe là, prévu. moustache à la chinoise. Alors, cheveux longs, un peu attachés comme toi là, un chignon là, comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, tu vois. Parfait. Et bah du coup, Valio, je t'écoute. Ah, on t'entend pas. Et bah du coup, je vais combler. Alors, Valio est un joueur sans micro. Non, toujours pas. Vas-y. Vas-y. On est en C'était pas stream, il faut mute que ça par soit hasard? rapide. Allô? Allô? Ah, c'est bon, parfait. Vas-y. Tu m'entends? Je suis là? Ouais. Ok. Bouddha soit loué, cher viewer. Mon nom est Jiaseng. Je suis un moine de... Je suis... Oui, voilà, un moine bouddhiste. On me connaît notamment pour être un sérieux coureur de jupons. Avec la... J'ai plutôt tendance à batifoler. Et ça sait pas mal et ça me je m'attire pas mal de je m'attire pas mal les foudres de des autres hommes en général. Je suis un gars plutôt beau, un peu grande gueule. Je me bats avec un bâton comme tous les moines Shaolin. Sauf que moi je suis un moine errant et je fais l'aumône, je vis de la générosité des gens. Voilà. Très bien. Eh ben c'est parfait. On va du coup pouvoir commencer cette première session de Wulin. Comme dit, après du coup ce petit voyage qui se trouve être écourté à cause de votre passage en géole, vous avez été enfermé. C'est là actuellement en fait où on va commencer la session. Face à vous se trouvent deux hommes. Le premier, masqué, semble être le magistrat de cette ville. Cette ville d'ailleurs, vous connaissez son nom hein, puisque vous avez fait un arrêt volontaire qui s'appelle Nagaroi. Nagarwa. Je ne sais pas comment prononcer ça, mais on va dire Nagarwa parce que je trouve ça plus joli. C'est une ville, pour faire court du peu que vous avez vu avant l'assaut Jin, qui est assez originale par le fait qu'elle soit à moitié construite sur l'eau. Elle traverse en fait un peu le fleuve Yangtze. C'est l'énorme fleuve qui sépare en deux, du coup, la Chine de l'époque, et qui sert de frontière naturelle pour l'instant entre l'Empire du Song et l'Empire des Jin. Cette ville, vous n'avez pas eu le temps vraiment de la visiter. Car encore une fois, rapidement, elle a été attaquée par les djinns. L'attaque, hein, pour vous la restituer un petit peu, pour que vous ayez un peu le contexte avant de commencer la session, ça a été vraiment une attaque éclair. Vraiment, pour le coup, en quelques minutes, la ville s'est retrouvée sous les flammes. Et en quelques minutes, ça a été déjà tranché et la ville prise militairement. Nous, on joue le lendemain du coup de cet événement. Donc, comme je disais, face à vous, il y a deux hommes. Le premier homme qui semblait être le magistrat, qui porte un masque. Et le deuxième homme, vous l'avez déjà vu, puisqu'il s'agit en fait simplement du chef des djinns. Vous avez eu un court affrontement avec lui la veille. Mais malheureusement pour vous, il semble être plus puissant que vous. Il vous a rapidement tous mis à terre et permis votre capture. Pour vous donner un peu visuellement, outre le fait que le premier homme soit un petit homme un peu gros et caché derrière un masque, donc pas grand-chose à pouvoir détailler physiquement de lui, le deuxième, lui, vous paraît déjà plus étrange. Outre le fait qu'il a une grande crinière de lion, que la moitié de son visage soit brûlée. La première chose qui vous marque quand vous l'avez face à vous, c'est son origine. Cet homme n'est pas un homme djinn. C'est un homme qui vient d'un empire voisin qui s'appelle le Liao, et que vous connaissez bien vu que les Song ont été pendant très longtemps amis avant de devenir leurs ennemis. Qui donc? C'est l'empire Liao. Oui, non, mais qui était ami avec le bonhomme Balafre? Non, c'est le. C'était pas ami avec lui directement. C'est l'empire des Song, qui était du coup l'empire Ah, chinois, où vous y étiez, qui était ami avec l'empire Liao, et qui se sont retrouvés à faire alliance avec les djinns pour d'accord. vous donner un peu l'histoire, puisque vous la connaissez, et ça permet à tout le monde de se remettre un peu dans le contexte du jeu. Donc les Song ont fait alliance avec les djinns pour raser littéralement l'empire Liao. Donc aujourd'hui, Liao ne porte ni dans son cœur normalement les djinns, ni dans son cœur. Les Song. Il n'empêche que cet homme semble être un étranger total des djinns et semble quand même bien. Comment on appelle ça? Au poste. J'ai perdu. Oui, mais il semble obtenir un haut poste. Ça semble être un lieutenant de l'Empire djinn, ce qui normalement est assez rare pour être présenté du coup aux étrangers. Donc, ils sont tous les deux face à vous. Actuellement, le magistrat vient de finir son discours. Sous la contrainte, il a été obligé de vous signer, pas de vous signaler, mais de vous déclarer, pardon, totalement, du coup, coupable et hors la loi vis-à-vis de cette ville. Vous savez que le magistrat, hein, à cette époque, c'était littéralement un représentant du Fils du Ciel, le Fils du Ciel étant l'empereur. Et donc, du coup, quand rien que leur suspicion suffit de rendre coupable des personnes. Et c'est sur ça que joue visiblement l'Empire Jin pour vous condamner dans cette ville. Et Vous alors, êtes du coup, on face à eux. est coupable Oui. de quoi? D'avoir combattu les djinns et donc l'empereur en place, c'est ça? C'est l'idée. Et Vraiment. du coup, le magistrat, c'était un ex-mec qui bossait pour les Sang. Bah, il bosse toujours pour les Song. Pour vous Mais situer du un coup, peu il a comment été ça contraint, fonctionne, du coup. c'est ça, en fait, c'est sous la contrainte. Et vous savez que les djinns, lorsqu'ils prennent une djinn, ont cette attitude très intelligente de faire travailler les sons qui vivent. C'est-à-dire que, en fait, eux, ils viennent juste récolter du coup le blé pour les chevaux, de l'or, etc. Mais en fait, ils s'occupent pas de manière continue une ville. Ils arrivent et ils utilisent en fait les actionnaires qui habitaient déjà là pour faire tourner la ville, sauf qu'ils sont sous leur emprise, quoi. Ça vient du fait que les djinns sont un peu nomades et en fait ne savent pas du tout gérer une ville, donc du coup n'y s'y essayent même pas et profitent des sons qui eux sont déjà sédentaires et donc du coup eux peuvent se permettre d'y rester. C'est bien, ça fait beaucoup d'un peu d'histoire du jeu, ça permet au moins de vous restituer, de savoir le contexte. N'hésitez pas à poser des questions, hein, ça, au moins comme ça on est sûr d'avoir la même vision et la même compréhension. Et donc effectivement, de quoi vous avez été accusé? C'est juste effectivement des. En vrai, c'est même pas digne de juste vous en combattre les djinns, quoi. C'est de l'excuse pure et dure de juste bon, vous avez été suspicieux à mes yeux, et comme le magistrat a tout pouvoir, ça suffit à condamner de toute façon en ville. Ok. Après ça, le djinn, du moins le lieutenant, simplement du doigt, fait partir le magistrat de la salle. Et vous fait Ah. face. C'est comme ça. Représentant du Je ciel, mais il le crois que je le dégage. fusille du regard là actuellement. Il entame le discours suivant. Ne m'en voulez pas. Sachez que j'ai beaucoup de respect pour ce que vous êtes, Wuxia. Je sais que partir de ces terres, pardon, c'est quelque chose de très mal vu dans votre culture. Et vous avez le courage de ça. Mais comprenez aussi que je sais du coup à quel point vous pouvez être dangereux. Vous pouvez inspirer le peuple. Vous pourrez leur donner un courage qu'il ne faut pas qu'ils ont. Par conséquent, je suis obligé de vous garder un peu ici, contre votre volonté. Oh, j'espère que vous le prendrez pas mal. Si ça ne tiendrait qu'à moi, vous serez déjà libre. Petite Oui? question, monsieur. Le combien de temps, c'est combien de temps à peu près? Le un peu, c'est combien de temps à peu près? Le temps qu'il nous faudra pour faire de cette ville ce qu'on Une en bonne petite souhaite. cité de jean, c'est ça? Oh, s'il vous plaît. Vous savez bien que ce n'est pas dans notre culture de sédentariser dans une ville. Bon, ben dans ce cas, si vous voulez pas sédentariser, vous avez fini ce que vous avez à faire ici, on peut partir, non? Oh, mais vous serez bientôt libre, vous inquiétez pas. Enfin. C'est long bientôt. On fait de notre mieux. En tout cas, sachez que, si cela peut vous rassurer, mais dans la région, votre nom, n'est pas totalement inconnu. C'est bien. Vous commencez à avoir petite réputation. C'est pour ça que vous êtes ici, hein. Si vous serez de total inconnu, vous serez dehors comme tous les autres. Je vois qu'on est Virulent. plutôt virulent. Moine, c'est ça? Bouddhiste. Pourquoi vous répondrai-je? Oh, nous sommes en pleine conversation amicale. Vous venez de dire que vous nous connaissiez déjà, que vous nous connaissiez de réputation. Pourquoi aurais-je besoin de vous répondre? Eh bien, ne me répondez pas. Oh là là. Bon. Pour être honnête, j'aime pas trop cette situation, mais Juste, est-ce que on a gardé nos instruments ou quoi? Bien sûr que non. Ouais, ils nous ont D'accord. récupéré nos armes Mais et nos machins. est-ce que je pourrais tenter, par exemple, avec ma voix, avec la maîtrise du son, de l'endormir ou de lui causer des nausées? Alors, tu peux faire des choses avec ta voix, effectivement, parce que tu as une des compétences là-dedans. Laisse-moi juste regarder ça. Il a même J'ai pas pas le temps de alors fermer de la porte, on est l'endormir. déjà en train de Non, s'évader. non. J'ai pas le document exact Putain. sous mes yeux, mais... Alors, tu ne pourras pas l'endormir, mais tu peux effectivement influer sur son esprit, d'essayer en fait tout simplement de le rendre mal à l'aise. Après avoir jusqu'à temps que ça arrive. Je l'ai en expert à la maîtrise du son. C'est ça, c'est maîtrise du son en expertise. Donc du coup, ça va coûter des points si tu veux faire ça. Parce que du coup, ça va être ton Aigong, et du coup, ça va consommer 2 points de Aigong si tu veux utiliser ça. 2 points, d'accord. Et est-ce que je peux tenter du coup de lui provoquer de violentes nausées? Alors, ça sera peut-être pas de nausée, pardon. Tu peux essayer de lui faire perdre du souffle, hein. Soit du Ying, soit du Yang. Tu peux essayer de le déséquilibrer, ou tu peux le faire sentir une sensation, genre la peur, ce genre de choses. Par contre, tu peux pas le rendre malade non plus par ta voix. Ah, même pas des petites nausées un peu pas très sympathiques. T'as la voix tellement cassante que tu parles naturellement et puis il sera malade, hein? Mais non, je Sors t'ai un micro, tu répondu. poses un slam et tu sais, il se sent trop mal et il s'en va. Voilà, tu. Grand corps malade et voilà. Du coup, est-ce que tu souhaites du coup quand même essayer de faire quelque chose sur lui, ou tu te dis que finalement... Non, pour des points de souffle, ça vaut pas le coup. Ah, et après, il y a les sensations, tu peux essayer de lui faire peur. Si tel est Ouais, ton... mais il a l'air bien trop. Justement, la peur, c'est pas le bon. Non, non. Très bien. Bon, Ou écoute, peut-être, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que. Non, non, ça servira à Très bien. Ou alors, est-ce que. Non, mais non, mais non. Dans tous les cas, Ou du coup, alors. il vous regarde, s'il vous plaît. Et fini, du coup, son discours. J'ai isolé certains de vos amis pour des raisons personnelles. Vous les retrouverez quand vous sortirez d'ici. J'espère vraiment pour vous que vous êtes capable de vous en sortir. N'espérez pas nous tenir en laisse. Oh, je n'ai qu'un espoir, et croyez-moi qu'il est bien loin de celui-ci. Dans tous les cas, je vais La vous voix du laisser. Bouddha implique de ne pas tuer. C'est ce que vous venez de faire. Oh, je vous prie. Bouddha est tellement plus d'actualité. Aïe! Saut 1994! Exactement. Ça pique! Genre saut les années 1100, mec! Franchement, saut 1100 quoi, genre T'es outdate. Moi, je vais vous laisser et j'espère Mets-toi la vraiment que vous cache. serez capable du mieux. Vous voyez qu'Asebo, il se tourne et s'enfuit. Enfin, s'enfuit, oui, bien sûr. Et s'en va. Casse-toi! Et Attends, s'en va, attends. Il se simplement. retourne et il se met à courir. Non, mais on est d'accord que là, tu n'as pas précisé qu'il fermait la porte. Donc la porte est ouverte. Donc on peut sortir. Alors, pas votre géole à vous, si vous y êtes En depuis fait. hier soir, crois-moi que votre cellule est fermée. Ah. Par contre, effectivement, par contre, la porte du couloir, elle est ouverte. Si ça t'intéresse, je sais pas, si tu veux essayer de faire quelque chose Est-ce que avec le j'ai. couloir. Moi, je veux partir. Ah ben non, mais Attends. on n'a pas nos affaires, nos effets Non, bien personnels. sûr que non. Je check juste mes wugong pour voir ce que je pourrais faire potentiellement. Est-ce qu'on a des. Nos fringues ou alors une tenue Vous avez, même pas en fait, votre tenue habituelle, vous avez des espèces de toffes, de Un sac à tissu en patates, fait. quoi. Ouais, c'est ça, c'est sac à patates, vraiment. Ils ont tagué des trucs. Non, ça va. C'est encore gentil. Y a quoi dans la cellule là, à part les deux autres, la bonne dame et le monsieur. Bah... La bonne dame et le monsieur. La Honnête. bonne femme et le bonhomme. Tu te tournes pour regarder un peu la cellule, et tu vois une table et quelqu'un, genre, tu sais, accroupi en tailleur dans le coin de la pièce. Dans notre cellule. Ouais, dans Ah votre ouais. cellule. Ben, je m'approche de lui, je m'approche. Ah donc on n'est pas seul. Il est dans l'obscurité. Non, pas, même pas dans l'obscurité, hein, il était juste Il là, dans le coin. est comment? Il va avoir son sac à patates. Il est comment? À moins qu'il ait pas sac à patates, Tu vois un homme plutôt vieux. Et quand je dis vieux, c'est pour le coup aux cheveux gris, ébouriffés, avec une bonne calvitie avancée. Excusez-moi. Ils sont bouddhistes, ces deux autres. Non, ils sont pas bouddhistes. Arrêtez de vous poser des questions. Enfin, peut-être, je ne sais pas. Et pour le coup, c'est vraiment voilà, un vieil homme ridé, presque cliché du vieux, quoi. Vieil homme. Monsieur, vieil homme. Ouais, qui lève la tête. Oui. Mais, ça fait longtemps que vous êtes là, toi. Que vous êtes là, toi. Putain de merde. Ça fait longtemps que vous êtes là, mais, vieil homme. Eh ouais, je passe ton hymne. lâche-moi ton 06, wesh. Non mais ça aussi c'est dépassé, c'est comme Bouddha. C'est vrai. Ok, ça fait quelques jours, semaines, je sais plus. Et vous? Ça fait quelques heures. Ah, t'as fait quoi pour être là depuis quelques semaines quand même? Oh, j'ai volé. J'ai volé. T'as volé la pomme du marchand? Non, voyons. Qu'est-ce que t'as volé? Bah j'ai volé, petite théière. Ah. Elle était posée là, tranquillement, elle était chez Mama, la personne qui tient l'auberge, et moi je l'ai pris, petite théière. Ouais, elle était en quoi ta théière? Ça fait longtemps qu'on est dans la ville? Non, vous êtes là depuis la veille. Ok. Donc on est arrivé, c'était le champ de bataille et on s'est fait choper, quoi. En fait, vous êtes arrivé juste avant qu'ils attaquent. C'était vraiment une attaque éclair, tu vois. Genre, c'était vraiment, vous êtes arrivé en mode, ah, on va aller pouvoir se poser et pouf. Ça, tu vois, Valio, ça, à force de mendier, ça nous a donné un mauvais karma. Mais pourquoi ça donne mauvais karma de vivre de la générosité des gens? C'est, il y a un... Ah. Bref, Bouddha soit loué, honorable... Oui, Bouddha. Qu'il soit loué. Et comment tu t'appelles, William? Si tu t'en rappelles. Oh, oui, moi... On m'appelle Denchi. Denchi? Oui. Et Denchi, tu saurais ouvrir la porte, là? Je sais pas. Tu vois qu'il fouille dans sa poche. Tu sais ce que c'est, ça? Et tu vois, en fait, juste un sapec, une petite pièce d'argent de... Oh. Qui a pas beaucoup de valeur, avec un trou au milieu. Une pièce magique qui va ouvrir la porte? Tu vois qu'il se lève, il vient vers toi, il te le colle sur le front, c'est un sapec! Et il lâche. J'ai le droit de gifler? Alors, en soi, il n'y a aucune protection magique. Les droits sont là, après il y a les conséquences. Est-ce que je vois Baoming s'énerver? Oui. Attends. Déjà, j'arrive du calme sur Baoming. Cet homme est sans aucun doute un peu fatigué par son incarcération. Il a besoin de temps. Bon ben, je te donne la pièce vu que t'as l'air d'aimer ça quand même les pièces. Je prends la pièce direct. Yes. J'ai une pièce. De l'argent. C'est à moi, c'est mon mien. Bouddha soit loué. Bouddha soit loué. Oh, non, mais je récupère le sapec et... Bon bah je retiens mon envie de le baffer très fortement quand même. Bah quand vous finissez de discuter. Inspire, par rapport à ça. Expire. Vous retournez et vous voyez qu'il se retourne lui-même après avoir trouvé la porte et... C'est fermé! Oui, bah ça, on avait remarqué, c'est pour ça que je te demande si tu peux l'ouvrir. Je vais vérifier quand même si c'est fermé. Et comment c'est fermé? Comment? Par un verrou? Par une serrure? Par des. C'est effectivement. Quelle est la différence entre. Oui, c'est une serrure. En gros, c'est en gros, t'as la serrure et c'est un truc qui se tire sur le côté. Qui permet de... Il y a une lucarne dans la geôle où on est, il y a un paillasson où dormir, il y a quoi exactement à part la table et le vieil homme? Oui, effectivement, je voulais te le dire, mais il y a effectivement de quoi dormir, hein, c'est de la vieille paille posée sur le sol. Juste une question. Oui. Il n'y a pas l'un d'entre vous deux qui n'aurait pas le Wugong qui permet de manipuler les objets? Si, non mais oui, je... Non, mais, je... Quand j'étais petit, j'étais Jedi, tu vois. Non, mais parce qu'il y a vraiment un Wugong qui permet ça, du coup, je demande au cas où. Je sais qu'il y en a qui l'avaient pris, mais je sais plus que c'est qui. Ouais, mais c'est pas pareil. Âme vivante ne s'occupe que du que de Que sa des propre armes, arme. ouais. Ah, donc il n'y a pas moyen de Ouais, voler arme des clés avec vivante. ça? J'ai une question, arme vivante, tu peux pas t'en servir sur d'autres objets, du coup. Non, et en fait, c'est un Par autre ton arme Wugong qui perso. permet de transformer des objets banals en armes. Mais vous l'avez pas. Ok. Désolé. Et les Wugong, pour les viewers, parce que c'est quand même le premier épisode, en fait, c'est des capacités spéciales qu'ont les personnages, qui leur permettent de faire des choses un peu foufou. C'est des techniques, quoi. Non, les techniques, c'est encore différent. Mais ouais, les Enfin, ouais, Wugong, en enfin, fait, genre, c'est... c'est un peu comme des techniques. Ouais, c'est ça. Enfin, typiquement, pour Pas donner l'exemple nécessairement. de quoi parlait Baoming, c'est que arme vivante, en fait, vous permet de vous lier à votre arme et de pouvoir la laisser, en fait, enfin, pouvoir la gérer à distance sur une courte période et pour faire une action, typiquement. Voilà, c'était et tomber dans la force quand j'étais petit. J'adore cette phrase. Hein, ça sera, ce sera parfait. Si les épisodes auraient un nom, ça serait celui-là. Du coup. Il y a effectivement du coup de la paille, et je voulais finir sur un truc, c'est que le fait qu'il y ait une table est assez exceptionnel, parce que normalement, vous savez que bah, dans l'Empire des Songes, hein, quand quelqu'un est emprisonné, et qui est dans les geôles, ce qui est pas forcément d'ailleurs la première... Enfin, c'est pas comme nous, c'est une prison, c'est quelque chose de classique, eux ils ont aussi plein d'autres façons de punir les gens. Des trucs bien plus éminents que la geôle. La geôle en fait est assez, j'allais dire salope, mais c'est pas très gentil de dire ça en stream. Vu que... Il y a... En fait, on ne nourrit pas les gens qui sont dans les geôles. On les nourrit pas, on leur donne aucune ressource. En fait, on les laisse pourrir là jusqu'à temps qu'ils sortent. Donc, le fait qu'il y ait une table est déjà un fait surprenant. Peut-être que le Danji, Ouais, ils c'est nous un prennent mec pas du tout dans important. la merde. S'il vous plaît, y a-t-il des ossements, des restes humains, des restes de rongeurs, des restes de quelque chose? Et... De crasse, de merde, un trou à pisse, hein, ou un seau, à chiottes. Alors, il y a effectivement, si tu cherches, t'as pas besoin de chercher très loin, il y a effectivement un coin un peu Des odeurs, oui. dégueulasse. Ouais, voilà. Après, personnellement, je te dis, t'as pas besoin forcément de t'aventurer très loin, hein, c'est pas très intéressant. Après, non, il n'y a pas d'os humain, il n'y a pas de, voilà, d'ossement quelconque, d'ailleurs, même animal. De reste Ouais, de mais repas, c'est un truc à faire. étrangement, il y a une table, ça veut dire qu'ils ne nous considèrent pas non plus comme de la merde. C'est que c'est Tom là qui est passé là. Ouais, c'est plutôt ce gars, c'est un type important, je pense, Lui, mais vu qu'il est vieux, il est voilà. un peu sénile. Ça doit être genre le père d'un des dirigeants de la ville ou quelque chose comme ça, tu vois. Mais quelqu'un de la famille, quoi. Et c'est juste qu'il est un peu vieilli, c'est pour ça qu'il fait des trucs bizarres comme ça. C'est pas Et. impossible. Est-ce que vous êtes fort? Genre, Jacinthe et Kaokai, vous avez de la force ou pas? Ah, tu parles à nous. Ah, ok, putain, je croyais que tu parlais aux vieux. Est-ce que t'es balèze, toi? Non, mais est-ce qu'on Viens, on est se tape. fort? Mais oh, ouais, tu me cherches. Non, je Baisse parle les niveau yeux, force baisse physique, les force yeux. physique. Putain, on est vraiment la Tessie de la chaîne médiévale. J'ai Ah pas ouais, non, mais... une grosse carrure musculaire, hein, et puis je suis Du assez. style, est-ce que si jamais, avec une hypnose un peu quelconque dont j'ai le secret, j'ai attiré l'un des gardes, vous pourriez l'assommer contre les barreaux de la cellule? Mais ça, tout le monde peut, c'est une question de force. Bah, c'est De pas un problème. force d'inertie, enfin, des trucs comme ça, quoi. Je vois les idées. Mais en Dans fait, ce... je me demande, en fait, je me dis, ça, y a mo je pense qu'il y a moyen, avec un coup de poing bien placé, d'exploser la serrure, mais. Peut-être Mais aussi. est-ce que avec est-ce qu'on peut remarquer lequel t'as dit qu'il y avait deux gardes, c'est bien ça? Oui, effectivement. Du coup, est-ce que je peux utiliser ma gestuelle hypnotique pour attirer leur attention et les faire venir vers la scène? Alors, t'arriveras peut-être pas à Est-ce que toucher je les peux les deux. appeler déjà pour qu'ils viennent? J'adore les Alors, gestuelles hypnotiques des femmes, j'adore ça, non mais je s'il pourrais vous plaît regarder ça monsieur, toute la ça journée. n'a pas Stop, cette on arrête ça! connotation. Gestuelle hypnotique, c'est un truc qui n'a rien à voir avec son genre. C'est quelque chose qui est lié à une technique pour troubler les gens, ok? C'est des mouvements plutôt comme ça avec les mains, tu vois, donc il n'y a pas de... Tout ça pour dire, bon déjà, si tu peux les appeler, oui, hein, il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas un mur magique qui empêcherait le son de passer. Après, pour l'hypnose, c'est pas sûr que ça marche sur les deux en même temps, donc à toi de voir comment tu gères ça. Ah ouais. Bah, j'appelle les deux et je me concentre dans ce cas sur celui qui a les clés. Ou sinon, j'appelle celui qui a les clés. Alors, ok, tu vas déjà me faire un petit test, le premier de la soirée, du coup. Yes. Yes. un petit Yes. test d'esprit pour voir du coup qui pourrait avoir les clés entre les deux. Parce que là, il n'y a aucun qui a envie de jouer comme ça avec ses clés. Est-ce que je peux utiliser mon trait légendaire qui dit ma chance m'apporte plus de réussite qu'avec une pièce truquée? C'est pas une question de chance. Attends, j'ai une question. Ah, dans ce cas-là, est-ce que je peux y aller à la chance pour voir lequel a la clé? J'en ai même deux. Genre, j'en prends un au pif et on assomme celui-là, en espérant que Oui, ce soit le sauf bon. c'est toi qui seras le... Alors, c'est une bonne question, mais d'un côté, je ne suis pas sûr de son utilité. Parce que dans ce cas, en fait, je te laisserai qu'une chance sur deux de pouvoir y arriver. Je m'approche de Baoming. Ah bon, dans ce Et cas, on va utiliser je l'esprit, m'approche hein. de Baoming et je lui demande qu'est-ce que tu cherches à faire exactement ce moment, maintenant là. Parce que je te vois de cogiter. Pas voler les clés? Mais, non, mais oui, non, oui, mais comment là? Parlez-moi fort, Comment? parlez-moi fort. Oui, justement, je m'approche d'elle, Oui. je chope pas, mais bon. Pour le stream, vous avez le Je droit de parler fort, je vais je la considérer tire, que je vous l'occupe, parliez. et toi tu prends sa tête et boum! Et après on Mais ramasse les qui? clés. Qui lui? Bah le garde, celui qui a les clés. Je peux observer les gardes à quoi ils ressemblent. Oui, tu vois deux gardes, ces deux soldats djinns. Vraiment, pour le coup, qui sont en train de discuter. C'est le cliché vraiment des soldats djinns, vraiment de. En armure basique, C'est la ça, soldatesque, armure basique la petite qui. soldatesque. Il y en a pas un qui a l'air plus habillé, on va dire, plus d'apparat par rapport à son grade, peut-être, ou des trucs comme ça. Alors, bah, du coup, c'est toi qui vas faire le premier jet. Fais-moi un petit jet d'esprit pour voir si tu es capable de connaître, parce que la culture djinn n'est pas la culture song, ils n'ont pas les mêmes codes, hein, donc voir si tu es capable de reconnaître la différence de. Et j'ai toujours pas ce mot, de rang quoi, de. De rang, de grade, Ouais, de oui, grade, voilà, de c'était ça le mot que. hiérarchie, grade, d'accord. De, voilà, Alors, pour voir si tu connais. Tu pourrais reconnaître une différence de grade dans l'Empire. j'ai quatre d'esprit. Pendant qu'il fait son jet, les deux types, c'était, il y en avait un qui était un Liao. Non, Le le Liao, général, c'est il est le parti, c'était lieutenant. le big boss. C'est le monsieur qui est Il y avait parti. un Lia, il y avait un gars Oui. originaire de l'empire de Liao et un qui était originaire de l'empire de Jin. Celui qui est. Non, non, C'est. oula, vous avez tout confondu. D'abord, en fait, il n'y avait que deux hommes face à vous. Ouais. C'était le lieutenant qui vient évidemment de Liao et qui est un lieutenant Jin. Et à côté, c'était le magistrat qui porte un masque et qui est le magistrat de la ville, en fait. Ok. Et eux deux sont partis. Et là, en fait, c'est juste des gardes pour surveiller que tout se passe bien. C'est ça, il y a le Ok. magistrat de la ville et un Liao qui Ouais. bosse pour les G. Ok. Je peux faire mon jet? Oui, non, mais vas-y, vas-y. Hein. Le Je mieux, vu que vise c'est la difficulté. automatisé. J'ai 4 dés d'esprit, je vise la difficulté théorique et je dois faire du 24 minimum. Ok. Ou pas. Ouh, t'as un Voilà. 8. T'as un 8, un 8, un 8. Attends, ça fait Un combien? 8, ça fait 22. Ah! Ça fait pas. Bah, ok. Alors, du coup, pour Un vous point de expliquer, yin, parce un que point du de coup, comme yang? ça, vous pouvez le voir. Un Hein. point de yin de yang, oui. Oui, alors, sachant que je vous ai mis un petit Non. rappel hein, dans le chat Non. de qui est-ce qui fait quoi. Donc, vous pouvez regarder. Et donc, du coup, là, j'explique un peu comme ça pour le chat, autant que toi, tu te décides, Oxyde. Hein. Non, non, Donc, non, là, non, voilà, non. il a fait son jet, donc vous voyez, tu as ce 8. Donc, ça, c'est au cas où il y aurait un 8 dedans, ce qui est le cas. Et donc, le palier, c'est 24. Donc, c'est-à-dire qu'il doit atteindre 24 pour faire une réussite parfaite. S'il fait en dessous, c'est un échec. S'il fait au-dessus, c'est une réussite, mais il va perdre des points de souffle, parce qu'il va s'essouffler à la tâche. Et donc là, on peut voir qu'il a fait 22, donc normalement c'est un échec. Il peut dépenser un point de Ying ou un point de Yang, sachant que s'il y a un trop grand déséquilibre, il peut avoir plein de malus. Et s'il le fait, il peut soit du coup augmenter le palier, enfin diminuer le palier qu'il voulait atteindre de 1, soit relancer un nouveau dé. Du coup, est-ce que tu décides de dépenser un point ou est-ce que tu acceptes l'échec? Non, non, non, j'accepte le chèque. Non, étant donné que j'ai relancé T'as le raison. 8, que je... Ouais. Non, mais t'as raison. Pour le coup, en plus, c'est pas vraiment le jet le plus vital de la Non, campagne. je suis Hein. complètement en avant. Donc, non, tu ne Trompe sais pas. pas vraiment lequel des deux serait plus gradé par leurs vêtements, mais voilà, c'est pas. Mais j'ai pas vu de détails particuliers. Non. Un bruit de cling cling clé. Ça s'appelle les clés, ça fait cling cling. Non, ils sont juste en train de discuter, donc en plus, ils sont pas mobiles, hein. Enfin, genre, ils sont pas movibles, enfin, ils sont vraiment là en train de discuter, genre. Je me retourne vers Baoming et pardon, j'ai oublié. Jiaseng. Jiaseng. Jiaxing. Je me retourne et je leur. Je vois pas de différence entre l'un et l'autre. Pas normal, hein, je vais pas gueuler comme ça dans la cellule. Oh, t'as vu, hein? Non. T'inquiète, est-ce t'inquiète. que, Est-ce ouais, que, est-ce que est-ce non. que, est-ce que, est-ce que, oui, est-ce que l'un de vous deux pourrait jeter un coup d'œil, voir s'il peut voir les clés de quelque Ouais, chose? est-ce que moi je peux checker les clés, s'il te plaît? Bah, pareil, non, c'est un jet d'esprit. Je vais le Ok, faire donc aussi. on va se tenter une Bien sûr. petite audacieuse. Ouah, ça joue ouf, mais en fait ça marche pas. Ah non, mais on est trop en forme, on a trop la patate là. Hein, tu vois? Bon, on est Ah. audacieux, hein? Ah ouais, il y a de Ah, l'audace. j'attends le jet du Aïe! coup d'Ojasang. Ouais, alors, hop. Bah, je vais la tenter en audacieux aussi, parce que je suis pas non plus un grand ouf. Vas-y. Et en vrai, c'est parfait! T'as fait 2-8. Oh! Ah, mais Mais nickel! quand tu vois le Si, 1, si, c'est très si! rigolo. Ah non, c'est très bien, c'est très bien. Du coup, je te laisse mettre les 8 et du coup, on est bon. Fais-nous une réussite parfaite, jeune homme. Ouais. Voilà, et Et du donc. coup, le dernier 8, on le transforme en 3. Non. Et donc, qui c'est qui gagne son premier point d'éveil? C'est qui? C'est Mario! Donc, je le note. Donc les points d'éveil pour vous dire en fait c'est ce qui va permettre les personnages d'évoluer, hein, en fait c'est des points d'expérience. Et en fait dans le jeu on les gagne soit avec des mentors en apprenant vraiment des trucs, soit en faisant des jets parfaits comme vient de faire Valio puisqu'il a fait 12 sur 12. Donc voilà, bah, Valio, t'es plutôt bon à ça. Du coup, tu te concentres alors que tes deux amis ont du mal à repérer les clés. Et toi, tu te concentres et tu commences à comprendre quelque chose, c'est peut-être s'ils ont du mal, hein. C'est qu'aucun des deux semble avoir des clés sur eux. Ce qui me semble logique. Ah! Et du coup, je me permets même faire un petit renvoi, parce que comme c'est le début de la campagne et tout, je vais être assez gentil. Sachez que c'est comme pour Mutant Année Zéro, hein, pour les gens qui suivent ça sur YouTube. Je commence très gentil en donnant beaucoup d'indications, et petit à petit dans la campagne, je deviens de plus en plus méchant et sadique. Mais du coup, pour commencer, je te l'indique. Ça, effectivement logique, du point de vue que je rappelle, que les djinns n'occupent jamais réellement une ville. Normalement, eux, ils arrivent, après, ils disent aux gens qu'ils habitent là, continuez vos boulots. Et vous le faites à notre façon. Et donc du coup, en fait, ça voudrait dire que normalement, les gens qui continuent à gérer les géoles sont les mêmes qu'avant leur Hey, mais arrivée. c'est pas le vieux qui a les clés. Alors c'est vrai qu'il y a toujours le vieux dans la cellule, hein, vous pouvez... Une Je peux clé lui ça demander sert s'il aurait bien pas dans les toutes clés les par formes. hasard. Les clés ça sert dans toutes les formes. Tu te retournes, tu demandes, mais t'aurais pas les clés par hasard? Ouais, il s'était remis en fait en tailleur dans le coin, parce que vous l'avez oublié. Il se relève la tête, comme la première fois. J'ai peut-être quelque chose qu'il vous faut. Il fouille Il dans sa ressort un tenue. putain de putain de pièce. Là, pourquoi je suis vraiment? Et il sort un trousseau de clés. Oh l'enfer! Ah ouais, attends, Yes! je lui ai demandé s'il pouvait Fallait ouvrir la juste porte la demander en première fois, fait. il a dit derrière. Bravo, t'es brillant mec. Mais la première fois, je lui ai demandé s'il pouvait, il a dit qu'il pouvait pas, qu'il a... Et il est temps. Enfin, ça veut pas dire que ce sont les bonnes clés non plus quoi. Attends, Bah. attends. Est-ce que je peux, quand même, histoire de pas perdre trop de temps pour pas que les gardes perdent, Je les est-ce que prends, je peux utiliser... je les prends, je les prends, voilà. Tu les prends. Non, attends. Est-ce que je peux utiliser ma chance pour ouvrir la serrure et espérer tomber sur la bonne clé du premier coup, vu que... Là, je t'autorise. Là, Et dans ce cas, ça c'est me quoi? va. Alors, du coup, ce que tu vas faire, c'est un jet de force intérieure. Tu vas te concentrer pour essayer D'accord. de piocher Du dans... coup, est-ce que mon trait légendaire, ma chance, Bien m'apporte sûr. plus de réussite qu'avec une pièce Là, truquée? ça Oui, bien marche, sûr. Et est-ce bravo. que je peux utiliser mon identité de joueur itinérant qui me rajoute encore un destin? Il aime bien le risque. Non, joueur itinérant, ça serait plus genre si tu vas en ville et que tu essaies de trouver des gens. Ou... Joueur itinérant, c'est vraiment que tu as été. Bah, tu fais partie de ces artistes itinérants qui vont de ville en ville et qui Non, joueur jouent. itinérant, là, c'est vraiment joueur dans le sens les jeux d'argent, jouer les jeux de hasard, tout ça. Ah, Ouais. encore plus. Genre, ça dit que je gagne ma vie en fait en faisant des jeux de... D'accord, Et après bah, je te l'autorise. Allez. Merci. Et après, c'est moi le fumier qui extorque l'argent des gens en faisant la. Moi au moins je Après. mendie, mais au moins les gens ils me donnent de l'argent, de leur fringuer. Toi On tu ne les s'engueule arnaques. pas! On ne s'engueule pas. Attends, je calcule juste 5 fois 8, c'est combien? 40? Quoi? Est-ce que je tente légendaire ou héroïque? Non, non, non, c'est juste pour notre évasion, on le foire pas maintenant parce qu'on sera obligé de casser la porte à coup de bélier, ça va Non, pas passer. j'ai 5D, j'ai 5D, j'ai 5. Ah, tu peux avoir d'idées, hein. Juste, à partir de combien déjà qu'on a les trucs qui nous Les permettent bonus, de c'est à gagner des points déjà? partir de C'est à partir de héroïque. héroïque. Bon, on va faire un petit héroïque alors, on commence de... On commence doucement. Bah attends, avec 5D, je peux faire un maximum de 40. Héroïque, c'est à 24. J'ai presque une chance. Bah non, mais tu fais un légendaire à ce compte-là. L'héroïque, tu vas perdre du souffle à max. Non, non, non, non, avec 5D, avec 5D, t'es sûr de rien. Faire que des 8. Avec lui, c'est vrai, oui. Ah ouais, non, attends, parce qu'il y a le souffle. Vas-y, légendaire. Attends, non, non, non, parce qu'il y a 8. Que tu Vas-y, réussis, que légendaire. tu. Et il a lancé. Voilà, et voilà, et voilà. De toute façon, que t'aies fait héroïque ou pas, ça n'aurait servi à rien. Bravo, tu viens de casser une clé. Non, attends, attends. Est-ce que je peux... C'est un point ding, c'est ça, pour relancer un dé? C'est marqué juste en dessous, tu peux vérifier pour moi, s'il te plaît. Relancer Et un les autres, dé, vérifie. t'as besoin d'un 8, t'auras besoin de 2 dés là. Faut baisser la difficulté. Non, tu peux pas, tu peux Et pas tu peux gagner. pas, c'est qu'un seul point par jet. Tu peux pas gagner. Et... Tant que j'ai pas la bonne clé là. Non, tu y vas, tu joues sur ta chance et tu rentres, tu essaies de tourner, tu vois que ça bouge pas. Et tu fais un boucan d'enfer. Et... Et... Non, Attends, attends, c'est non, pas non, non, moi. là par contre, est-ce que je peux utiliser mon wugong de maîtrise du son pour justement rendre le son inaudible? Ah ça marche pas monsieur, c'est avec votre Arrête de voix et claquer les des points du. instruments. Ouais, claque pas non plus des points de Wugong, des points de T'es ma gueule sûr que pour c'est... n'importe Parce qu'il y a quoi. marqué que je peux le faire avec n'importe quel son. Ah là là, t'es obligé de faire revoir mes notes toi, alors attends. Mais Attends, je quand l'ai t'es sous en la main force, là si tu... claque pas des points de Naegong pour rien. Arrête de Oui, tout puis... claquer là, on dirait que t'es millionnaire, mec. Bon, moi sur mes notes, il n'y a pas marqué que tu peux faire sur tout, donc pour l'instant je me gère mes notes, et donc non. Il y a marqué l'artiste peut également déporter l'origine du son à un autre endroit. Oui, mais ça veut pas dire que Écoute-le, tu peux écoute-le, MJ, là. tu peux le mettre enfin tu peux le faire sur les clés. Ça veut juste dire que tu peux faire genre il y a la musique qui se joue dans la cellule d'en face. Ça tu peux. Je peux le faire à l'autre bout du couloir plutôt, genre loin, vers l'entrée, vers l'autre Ah, bout. si tu veux, mais c'est pas la même action. Dans tous les cas, là t'es avec tes clés, et dans tous les cas, elles font du bruit. Oui, mais juste déporter le son qu'ils entendent autre part, tu vois, qu'ils se disent Non, pas, ah, ça mais marche c'est eux pas qui font comme des. ça. Non, mais C'est ça le son marche que ça tu marche qu'avec ta conduis. voix. Comment il marchande, comment il marchande. C'est les Il a dit voix. non, il a dit non, il a dit C'est non, les laisse. voix ou l'instrument. Pas les deux. Ah. Pas autre. C'est voix ou instrument. C'est ce que tu produis, tu es musicien. C'est comme quand tu as du triangle. On arrête ça. Ce marchand de tapis. Allez, pas cher, pas cher, pas cher. 3, Non, mais d'accord, t'es dans 2, ta 2, musique. 2, 1. Là, tu fais pas de musique. Mais oui, mais non. Voilà, Ah donc là. ça marche pas. Dans tous les cas, du coup, tu as fait du bruit. Et moi, je vais faire un jet pour voir s'ils t'entendent. Méchant, va. Hop. Hop. On va faire ça rapidement. Mais non. Ah. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Tac tac tac, bon, on va faire 12. Hein. Oh, c'est triste, ils ont pas entendu. Enfin, c'est triste. Ah, que c'est triste! Ah, que c'est triste Là pour là! Et bah, du coup, tu vois que, genre, à un moment, il y en a qui a un peu joué à la tête. Il semble continuer sa discussion. nous. On peut refaire un G pour la seconde clé. D'accord, mais je te retire un dé. D'accord, ça marche. Fais pas le con, Thierry! Alors, t'as la maîtrise du son, vas-y, fais pas de bruit! Attends, attends, ça marche pas du coup comme je ça! réfléchis. S'il vous plaît! Tiens bien la clé! Allez, Jean-Kévin! léger, Non, mais s'il attendez, je réfléchis, je fais héroïque ou flamboyant. Non, allez, flamboyant. Conseillez-moi là, j'ai pas sur une. Flamboyant, flamboyant avec 4D, on se calme. Oh! J'avais dit flamboyant. J'ai fait flamboyant. Et Attends, et alors, ça, c'était quoi? c'est ce qu'on appelle du coup une. Ah ouais, Euh... du zéro. Là, ça s'appelle du zéro. Ah, Ouais, ça ça, c'est ce s'appelle qu'on une appelle. complication du coup, parce que. Alors, les complications, c'est les échecs critiques. Et Ah, pas avec des 1. ça. Eh bah, en fait, j'ai relu, et en fait, il y a une erreur sur l'écran de jeu, il marque des 1, mais dans le livre, il y a marqué des 4. Et je trouve le 4 plus logique, donc je garde le Ouais, 4. non, le 4, c'est beaucoup plus logique. Ouais, on est d'accord. Mais je sais pas pourquoi, il y a une erreur sur l'écran de jeu. D'ailleurs, voilà, si vous achetez le jeu, sachez qu'il y a une erreur sur l'écran de jeu. Mais du coup. C'est une complication que je vais garder pour plus tard. Je vais me mettre une petite note complication possible pour Baoming. Et moi, je vais aller voir s'ils ont entendu le boucan que t'as fait, parce que tu es quand même très très doué. Et eux, ils vont avoir droit à un doué dé supplémentaire. Non, mais on est d'accord, Rolvin, il m'aime pas. Oui, c'est Non, vrai, ça va faire deux non, sessions là qui t'aiment pas. mais je sais pas si toi-même tu t'aimes. Hein. Alors, ça tombe bien parce qu'ils aiment pas non plus mes PNJ. Alors, du coup, tu fais un boucan, genre tes amis ils sont en mode, mais c'est pas possible, ils vont faire un concert dans la pièce. Non mais. Et Ah, les je mecs. maîtrise le son, je maîtrise le son. Attends, attends, je maîtrise le son. Les mecs ils sont de l'autre Il côté, ils sont est en train de vraiment de faire du l'autre côté, gospel en même temps. ils s'entendent rien. Genre, Bon. ils sont à côté, ils entendent rien. Qu'est-ce Je que vous commence faites? vraiment à m'interroger sur les capacités d'audition des en fait là. Bah jamais 203, hein, je retente d'ouvrir Attends, mes attends, non, non, 203. non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Quoi? Non, Là non, en il n'y a fait, pas, il n'y a on te pas de. saute dessus, on Non, t'arrache ouais, les clés des voilà, mains. on l'arrache les clés, ouais. Et toi le premier, vas-y, je te la laisse. Je te laisse Mais tranquille. techniquement parlant, j'ai quand même plus de chances que vous de réussir. Ouais, non, mais jusque-là, On arrête, t'as on beaucoup de arrête, chance, arrête. ouais. T'as beaucoup de bol, là, jusque-là, ouais. Au début, beaucoup de Justement, chance jusqu'à maintenant. continuons de compter sur ma chance. Jamais 203, ils ont pas entendu deux fois, si je me foire, ils vont pas réentendre la troisième tech. Le jeu, c'est mauvais, ok? Toi, Ah t'as un bon, t'es karma, je te jure. Et après, en fait, c'est toi, t'as un karma de merde parce que t'arnaques des gens, c'est tout! Mais j'arnaque personne. C'est eux qui décident consciemment de jouer leur champ face à moi. Et puis Tu t'as leur bien fais vu que la croire plupart qu'ils du temps, peuvent je gagner. perds. Regarde, Tu même leur fais avec croire 5D, qu'ils je me peuvent foire. gagner. Monstre, monstre. Alors, bon, qu'est-ce que vous décidez de faire, s'il vous plaît? Bon, ça On va lui faire quand arrache les même clés des mains. une heure que vous êtes dans votre cellule. Il y a le vieux qui est en train de s'endormir à chaque fois parce que vos actions sont Attends, bonnes. attends, non, mais attends, attends, je viens d'avoir une idée là. Oh Est-ce que putain, je il peux me pas lui recharge. demander, est-ce que je peux pas demander au vieux c'est laquelle la bonne clé? Non, non, mais là c'est trop tard, tu n'as plus de clé. Non, est-ce que je peux pas demander au vieux c'est laquelle la bonne clé pour ouvrir? Lui doit Bah, de toute savoir. façon, quand tu lui demandes, il fait juste. Et il y a combien de clés sur le trousseau? Au moins 6. Ouais, je le sentais venir. Pile au moment où sa Je le sentais caméra venir. s'arrête. Ouais. Ah. Il faisait de l'arrêt sur image. T'inquiète, t'inquiète, t'es revenu. D'accord. Bon, bah, Donc tout va bien. 6. Oh, mais. 6. 6. On Ça va, t'arrache les mais clés laissez-moi des tenter. mains. Laissez-moi tenter, il Non, en reste arrête. 4. Il en reste 4. Tu vas nous faire choper et on va être obligé d'attendre une semaine à cause de toi. Ben non, dans tous les cas, il a dit qu'il nous libérait quand il en aurait fini. On va pas attendre quand même qu'ils en aient fini pour sortir, c'est la seule chose qu'on ait. Ouais, justement. Arrête. Plus tu continues, plus tu leur laisses de chances de nous empêcher Donc tu veux d'ouvrir. essayer d'ouvrir? Bah oui, bien sûr qu'on va essayer d'ouvrir, mais toi, tu Tiens alors, arrêtes. prends les clés et ouvre. Hop, je prends les clés. Si Très t'arrives bien. pas, j'essaye après. Non, non, après c'est de Southside. Avec quelle tactique tu te sens d'essayer? Est-ce que tu forces? Est-ce que tu te concentres pour essayer de trouver de la chance? Est-ce que tu... Dis-moi. Bah, je vais essayer les clés une par une. En faisant pas trop de bruit. Très bien. Donc là, tu te la joues juste sur de la maîtrise, sur une à On s'en une, tranquille. fout d'avoir de la chance du moment que tu te fais Alors, pas entendre. et ben du coup, ça arrive sur ton Kung Fu. Tu vas me Ok. faire un jet. Et ben du Hey, coup, je t'es te pas laisse. bête, tu aurais dû faire ça. Oh! Ah zut alors! Vas-y. Donc c'est du Kung Fu. Oui. Est-ce que le Pardon. fait que je sois un gamin des ghettos peut Non. m'aider? Ça Non. t'aide pas sur le fait de faire des clés une à une. Honnêtement. C'est vrai que ça aurait pu, mais non. Y a Ça pas une pourrait t'aider clé? à les voler. Y a pas une clé qui ressort parmi le dans le tas de Non, trousseaux? non, en vrai, les clés Une clé sont. Non, mais Bon, s'il faut, bah bah, du c'est coup. toutes les clés, mais c'est même pas les bonnes, hein. Pas réusagé quoi. Bah, je vais les essayer une à une. Allez, fais-moi un jet. Je suis. Allez, audacieuse toujours. Allez. Bouddha, sois loué! T'as 8. Non, mais je vais continuer à noter, hein. Voilà, c'est. Y a une. Je sais pas, les dés préfèrent quelqu'un, c'est tout, voilà, y a une préférence. Ah ouais, non, en fait, Valio, tu Alors. voles mes dés. T'as pas mendié que l'argent, t'as aussi mendié mes dés. Je pense en Ouais, vrai. bah, tu me les as donnés Du coup, avec bon cœur. deuxième point d'éveil pour Vagnon. Et Parce qu'il n'y a qu'un donc, seul joueur plus compétent dans cette partie. tu te concentres, t'essaies une clé, ça marche pas. Toujours minutieusement, sans aucun bruit, tu la retires. Tu la fais défiler. T'en prends la deuxième. Tu essayes. Et attends. La serrure s'ouvre. Sourire qui se dessine sur mes lèvres. Go vite là. Hey, est-ce que je me retourne vers mes... Je me retourne vers mes camarades. Oui, mais non, mais je la retiens, la banbao là. Hey, attends, t'as même pas entendu moi. Non, mais je la retiens, chut. Et puis physiquement aussi, je la retiens, elle bouge pas. Mais attends, tu sais même pas ce que je veux faire, tu vas déjà me retenir. Chut. Laisse-le partir dans son idée. J'ouvre la porte. Tu la fais coulisser. Elle fait pas trop de bruit, ça va. Tu vois que les deux sont toujours en discussion. Ils parlent dans le dialecte des djinns. Derrière moi, je leur fais ça, là. Hop, venez avec moi. J'avance. Pas de loup. Et ils sont sur la route ou pas? Ils sont en fait au milieu du couloir, au niveau de la porte. Donc oui. C'est-à-dire qu'on doit passer pas devant eux pour sortir ou pas du tout? Faut que tu passes au milieu d'eux, pour être exact. Ah. Est-ce que avec la maîtrise des ombres, il n'y a pas moyen de s'infiltrer derrière eux et clac? Eh bien, ça, tu vois, c'est ouais, voilà, ça. Par exemple, ouais, c'est ce que je voulais faire. Je voulais utiliser la maîtrise des ombres pour arriver par derrière et... La maîtrise des ombres vous permet de ne pas produire de bruit, du coup, quand vous vous déplacez. Et en plus de ça, vous placez en pleine obscurité pour faire une attaque surprise. Ah bah yes, bah voilà, on est deux. Un chacun, c'est bon, c'est fini, c'est réglé. Voilà. Alors, c'est niveau expertise. Il faut que je regarde quand même. Expertise, donc ça, c'est bon. Par contre, toi, Valio, est-ce que tu l'as en expertise aussi? Non, moi je l'ai en... Ouais, ok, toi tu peux juste ne pas faire notion. De bruit, tu ne pourras pas moi, te cacher juste dans... pas de bruit. Tu pourras pas faire d'attaque surprise. Bah écoutez, je vous laisse du coup dépenser 2 points de Neigong pour B-Boy et 1 point pour Valio. Et moi je vais noter ça dans mon carnet du coup. Donc, hop. Neigong. C'est moins de Valio, commence pas à tricher hein. Ah, moi je suis en notion donc c'est moins 1. Oui. Ah. Moins 2. Oh. J'arrive discrètement derrière mon adversaire. Ah, d'accord. En gros, quand tu utilises au niveau de notion, c'est moins 1. Au niveau expert, c'est moins. Ok. Ouais. Je savais pas ça. Maîtrise, c'est 3 et absolu, c'est 4. Pardon. Vous faites donc le tour pour ceux qui peuvent et sinon vous approchez juste hyper discrètement. Pour toi, Kaokai, qui reste un peu en arrière, du coup, vu que tu me dis... Ouais, je suis à l'angle de la porte. Surveille que le vieux, il commence pas à sortir en criant, s'il te plaît. Tu surveilles que le vieux, il commence pas à sortir en criant. Je pense que si le vieux, tu l'emmerdes pas, il fera rien. C'est pas faux. C'est vrai qu'il a pas l'air très emmerdeur, hein. Il retournait dormir dans son coin. Il était tellement discret qu'on savait pas qu'il était là pendant toute la nuit. Et ça aussi, c'est vrai. Et oui, du coup, je disais pour toi, Kaokai, qui est derrière, tu les vois se déplacer sans produire le moindre bruit sur du coup le sol. C'est comme si en fait ils étaient en pleine absence de son. Vous en profitez du coup pour aller à l'arrière et vous allez pouvoir faire une attaque déjà. Baoming en premier avec une attaque surprise. Dis-moi du coup ce que tu fais comme attaque. Je suis derrière lui là. Tout à fait. Je peux le tordre la nuque. Tu peux tenter. Tu peux tenter. Il n'y a pas de malus, c'est juste un jet de corps. C'est pas Kung Fu. Non, c'est corps. D'accord. Parce que là, si tu assommes, c'est corps aussi. Si tu assommes, ça va être corps aussi. Ah, c'est compliqué ça. Attends, je veux, il y a corps à corps. Kung Fu, il faudrait plus utiliser une technique, ce genre de choses. Je peux pas utiliser une technique. Ouais, est-ce que tu en as une? Genre le torticolis mortel, non, j'ai pas technique. Eh ben non. Mm-hmm. Là, là, ces enfants. Parce que du coup, en plus, il pourra pas faire de défense active parce que tu es le premier à agir. Donc vas-y, dis-moi tout. Donc t'essaies de tordre la nuque, tu peux, non? Ouais, essaie de lui tordre la nuque. Hein. Vas-y. Est-ce que mon passé d'ancien membre de gang pourrait m'aider à lui tordre la nuque? Vas-y, redis ton identité. Bâton rouge, ancien membre de gang, tout ça, machin. Mm-hmm. En gros, je suis un ancien membre de gang, d'un gang imminent. Mm-hmm. Allez, je suis gentil, je te l'accorde. Ah! Alors, excusez-moi, ça va arriver de temps en temps, c'est temporaire. On va trouver une solution pour ça, vous inquiétez pas. Là, je viens de me démute. À pile poil de me démute quand voilà, c'est pas une Ah, coïncidence, c'est vraiment. en vrai, il y a peut-être moyen que ça joue. En tout cas, je disais que pour le coup, je te l'accordais. D'accord, merci beaucoup. Du coup, ça me fait 3D. Oui, et donc du coup, par contre, l'OSA, c'est moi qui décide, parce que c'est par rapport au celui de l'adversaire. Tu vas faire du coup audacieuse. C'est ce que je comptais faire de toute façon. Et bah, du coup, on est en parfaite harmonie. Tout va bien. Oui! Incroyable! En point de souffle Alors, quand même. ils étaient pas là pour la pré-campagne, mais sachez que ils ont réussi à nous faire une session de pur échec, 100%. Ça faisait un petit moment qu'il avait la poisse, hein, notre ami Ça Vivo, et lui, ça y fait est. longtemps. Ça te fait quoi En de fait, réussir un jet? même, je crois que dans toute la pré-campagne, j'ai réussi qu'un seul jet, c'était le saut dans la cascade. Hein. C'est Ouais, vrai. et qui était en Tu t'es pas héroïque, viandé, et tu ça t'es t'a pas servi à viandé, ouais. rien parce que t'as même En pas tout eu de point cas, de légende. tu perds un point de souffle. Bon, il t'en reste 15, hein, t'es tranquille. C'est bon, Tu arrives, tu tords la nuque, il s'effondre sur le cou, et du coup, à ce moment-là, toi, Jason, qu'est-ce que tu fais? T'as lu la nuque? Allez. Ah Il se retourne mon adversaire? pas du tout, hein, il est. Il Pile au réagit pas, moment, donc synchronisation parfaite. t'as Je lui tape sur l'action. l'épaule, je lui tape Coup du sur lapin! l'épaule, et au moment où il se retourne, frappe étourdissante. Ok. Frappe étourdissante, c'est avec quoi? Gong Fu, explosif. Très bien, bah Gong Fu, tu me fais un test de Gong Fu en difficulté 8. Enfin, pardon, en routinière. SH 8. D'accord. Est-ce que mon la est-ce que mes tatouages peuvent servir? Est-ce que tu veux qu'ils te servent? Foudroyant. Et bah oui, je vais m'en servir si Parce j'ai que je besoin. te rappelle que la taille est de 2, donc c'est une routinière. Ah ouais, oui, effectivement, routinier. Et ça compte dans le décompte Alors là, vu que là c'est une défense passive, ça compte pas. Ok. Donc bah je vais non, je vais utiliser mes 3D et je vais lui péter la gueule. Ok, vas-y, pète-lui la gueule avec 3D. Là, je rajoute un point d'éveil. Voilà. Hey Valio! Voilà, hein, comme on Arrête de dit. faire des donations à Discord comme ça, Valio, à c'est Rollband. le personnage qui va finir le plus évolué tellement qu'il va avoir de points d'éveil. Il va connaître Voilà, toutes je les vois. techniques du jeu. Et bah, tellement maudit, il va claquer des doigts et même le roi du pays va lui donner sa fortune. Il va voler Très sur des bien. nuages, il va faire tomber la T'arrives, foudre et tout. tu lui tapes sur l'épaule, il se retourne, et là, bah comme exactement tu l'as décrit, Ça, il pouf, se... frappe Tu sais, je lui tape étourdissante. sur l'épaule, je fais. Hey, il se retourne. Bim! Gros coup de poing dans le. Gros coup de poing dans le pif. Ça fait film de Exactement. cow-boy un peu quand même. Ça, les deux s'allongent au sol. Enfin, les deux sont. Enfin, pas s'allongent gentiment, bien entendu. Hein. Les deux sont mis KO. Touché, touché, monsieur, touché, touché. Les deux sont au sol, hors de tout état d'esprit. Qu'est-ce que vous faites? Vous vous retrouvez tous les trois. Pour vous donner un peu la situation, du coup, un peu géographique, vu que vous venez de sortir votre cellule, bravo, vous avez mis seulement 1h20. Bon, je rigole un peu parce qu'en vrai, vous avez pas mis 1h20, vous avez mis plus 1 heure, je dirais. Oui, c'est pas le bon carnet. Vous êtes en fait actuellement derrière vous, c'est une impasse, hein, c'est un mur. Il y a trois cellules de votre côté, trois cellules de l'autre, et ensuite ça donne face à vous en fait un couloir qui semble partir peut-être un peu hanté. Il y a des gens dans les autres cellules où il n'y avait que nous. Alors, tu Je ne sais regarde. pas pour ceux d'avant, et du coup tu vas regarder. Et la majorité des cellules sont vides, si ce n'est une où il y a un petit chat. Un chat. Oh, je prends les Un petit clés, chat. Ouais, j'ouvre Valio, pour tu le l'ouvres. chat. Valio, si tu l'ouvres pas, c'est je te J'ouvre. frappe. Non mais je l'ouvre. De toute façon, j'ouvre la, j'ouvre le, j'essaye toutes les clés et je sauve ce chat. Très bien. Tu essayes toutes les clés. Mais il n'y en a aucune qui marche. Je pète le verrou! Je me pose même pas de questions! Moi, je vais demander au vieux s'il peut pas libérer le chat. Mais vieux, fais tomber la pluie! Vieux, donne-moi à manger! Vieux, t'as pas 100 balles? Le jeu, quand tu veux demander, il lève la tête. Un chat? Où ça? Viens voir, viens voir. Il Non s'est mais là, dessus. en ce là, t'sais, en ce juste avant, t'sais, je suis en train de préparer le météore de Pégase. Ouais, bon, allez. Du coup, je ramène Maître Danchi devant la cellule dans laquelle il y a le chat et je lui demande humblement de nous aider à libérer cette pauvre bête. Très bien. Bah, tu vois qu'il rejoint les mouvements de Jatsen qui préparait le météore de Pégase. Et du coup, tu auras droit à un bonus sur ton jet. Yes! apporté Du coup, par cet ami. Tu auras un petit dé du bonus. coup, là, je peux me servir de mon Kung Fu foudroyant. Et si tu gagnes encore un point d'éveil grâce à moi, là, je suis pas content. Alors attends, ton Kung Fu. Hein. Attends. Il me donne combien de bonus? Un dé? D. Biba, il veut son 50-50. Un dé? Il te donne un dé. Est-ce que je peux me servir de ma gloire qui rend Au mon point où Kung j'en Fu suis, même foudroyant? à 1, 2, Alors, c'est quoi ta gloire? 70, ça me va. Oui, bah, j'en profite aussi pour la dire aux viewers, c'est que Bien sûr. y a une rumeur qui court sur moi Une gloire. qui dit ouais une gloire, mais en soi c'est une rumeur, c'est quelque chose qu'on dit sur moi, Oui. c'est que La gloire, oui. semble-t-il qu'il y a des tatouages qui sont inscrits sur mon corps qui rendent mon kung fu foudroyant et qui s'illumine, dit-on, quand je m'en sers et que je me bats. Dit-on, c'est ce qu'on Dit-on. dit. Ce sont des on dit. Skip. Et vas-y, tu as droit aux 2 dés supplémentaires. Ok, donc je suis à 6 dés, hein. C'est le Avec moment de faire ton 6 premier dés, raté. je vais complètement la tenter en héroïque ou légendaire? 6 dés. Si dés. Franchement, fais une légendaire là. Tente la légendaire. Si tu te Attends. loupes, c'est toi qui. Il n'y a que toi qui le prends. Même attends, c'est Allez. quoi le grade Non, mais maximum tente déjà? légendaire. Tente légendaire. Le Sidé, maximum, tente même c'est immortel. bien sûr immortel. Bien sûr. Attends, ouais, légendaire, c'est 32, t'as 6 dés. Bon, tant que En les sorts. moyenne, avec 6 dés, tu fais 27. Donc, Ouais, tente une légendaire. Ouais, légendaire, ouais. légendaire à 32? Bah bien sûr. Vas-y, vas-y. Bouddha, sois loué! Yes! Je me pète Oh! les phalanges! Ouais, il se J'ai casse le bras, il se pulvérise l'épaule. Non, mais voilà, ça devait arriver. Ses genoux se décomposent et il tombe. Alors, laisse-moi regarder un truc Et parce en plus, il que. s'urine dessus. Hey! De combien de tailles tu as raté? Beaucoup? Parce que là, je regarde. De 16. Alors, ça fait Je suis 1, à 16. Ah, 2, pardon. 3. Tu vas perdre du coup 3 points de souffle. Ok. Tu vas frapper. Et en fait, tu vas juste taper le métal de toutes tes forces. Tu as les doigts. Je frappe chez. Du coup, je note souffle. Tu vas perdre 3. Donc 1, 2, 3. Très bien. Et Comme quoi, même avec est-ce que 6 je dés, peux tu peux te pas. foirer lamentablement. Exactement. Oui, dis-moi, Est-ce que Biboy. je ne peux pas essayer de crocheter la serrure? Mais t'as rien pour Avec crocheter. quoi? Avec la maîtrise du son. Avec le non, avec le fil de fer qui sert à relier le trousseau de clé. Ah, C'est ça se ça tient. s'appelle un anneau. Ouais, Ça se mais tient. voilà. Ouais, non, mais ça se tient, Ça ça se se tient. tient. Non, ils Ça se n'avaient tient. pas d'anneau à l'époque, c'était des fils de fer. Non, mais. Allez, Ils ça n'avaient se pas tient. des noix à Moi, je vais me mettre dans le coin et je souffle sur mon poing. Allez. Et bien Allez. sûr, est-ce que. Parce que, honnêtement, les bandits de grand gang sont un peu polyvalents, hein. Du coup, je peux Oui. encore utiliser mon bâton rouge ou pas? Oui, c'est d'ailleurs plus logique pour ça. Donc vas-y, un Kung Fu avec ton bonus, vas-y. Yes. Pendant ce Je temps, suis gentil, c'est début de campagne. Oui, vas-y, dis-moi, Kaokai. que moi j'ai rien foutu, moi, que Oui. être spectateur depuis tout à l'heure. Hein. Ah oui, Est-ce non, que je mais peux aller tu. pointer au pôle emploi, Normal, monsieur? y a pas de thé à faire, c'est normal, t'inquiète pas. Je sais pas si j'ai fait mes heures d'intermittent du spectacle ou quoi pour toucher un peu, mais. Ah, tu peux intervenir, hein. Est-ce C'est que eux qui essaient de sauver un champ, hein, à la base. Ouais. J'aurais fait la même, hein, mais je fais quand même un petit tour de couloir vite fait. Regardez si il n'y a pas nos effets personnels quelque part. Ok, tu regardes dans le couloir, que ce soit dans une cellule, etc. En tout cas, dans le couloir où vous êtes, non, clairement pas, hein. C'est juste des cellules, il n'y a rien, il n'y a pas un seul endroit où ça pourrait le soutenir. Sent Et comme un deuil. alors que tu reviens après ta visite, hein, tu vois Baoming un peu pleurante après avoir pété le crochet dans la serrure. Hein. Ah, putain, il s'est foiré! Enfoiré, tu t'es foiré! Je suis en train de lui taper Arrête l'épaule en fait, t'inquiète pas, tout va bien, le on va métier de sauver ce chien, je te le rôliste. promets! Arrête le métier de rôliste. Et Oh d'ailleurs, putain! Baoming est en pleurs, dit à ça, on va sauver le chat. Et vous voyez le Je te chat le qui passe promets. entre deux barreaux, et qui passe entre vos jambes, qui part. Je savais qu'il pouvait le faire, je le savais! Et je me suis dit, non mais c'est pas grave, on va tenter quand même de faire des trucs stylés, mais ça marche pas! Ouais. Et le chat, il fait quoi? Genre, il sort Et du puis, truc et... oui, il se casse, il sort du couloir, il tourne à droite. Ok, Attends. bah... Est-ce que je J'y peux vais, pas utiliser... je le suis. On suit le chat. Je le suis en regardant quand même s'il n'y a pas des gardes. Très bien. Vous commencez à le suivre. Il remonte sur bah, du coup la droite. Et en fait, ça vous redonne un énorme couloir qui lui est assez long puisqu'il a deux intersections. Une à peu près à mi-chemin qui permet de faire deux croisements ainsi. Et une autre plus loin qui a aussi deux croisements. Oui. Est-ce qu'on se souvient du moment où on nous a emmenés dans ces cellules? Oui, c'était la veille. Hein. C'était après votre bataille Oui, que non, mais vous je veux êtes. dire, est-ce qu'on se souvient de comment on nous emmène dans cette cellule? Ah, tout à fait. C'est très simple. Tu tournes à gauche, juste à gauche. Il y a des escaliers. En fait, t'arrives au rez-de-chaussée et tu peux sortir par la grande porte. Je préfère suivre Ouais, le chat bah. quand même. Ça a l'air plus drôle. Ouais, on va suivre le chat, ouais, c'est marrant. Oui, vous suivez le Let's chat. follow the cat. Le cat size. Le chat, il va tout au fond du couloir. Il passe devant la première intersection. Il va à la deuxième. Et en fait, la deuxième va uniquement sur la gauche. En fait, sur la droite, c'est une salle fermée, vraiment avec des murs, etc. Et il rentre dans une des cellules qui se trouve face à vous. Y a quelqu'un dans cette cellule? Non. Qui c'est qui peut Les y aller à géoles sont d'ailleurs pafiltrer? très très vides. Qui c'est qui peut y aller à pafiltrer sans faire de jet de dés incroyablement raté des fois? Pour voir jusqu'où. Bah, on peut servir de. Moi, je peux me servir du Naïgong et Juste y aller un sans faire aucun énorme. bruit Ouais. et Non, mais être juste un minimum. indétectable. Ou juste être un minimum discret naturellement, simplement. J'ai une question. Est-ce que Après, les traits discret, vous pouvez essayer légendaires, tout droit. nos traits Ouais. légendaires, ils influent tout le temps la vie de notre personnage? Ça dépend ce que t'entends par Ouais, là. mais ça te sert pour un jet. Ben, pour dire que ma rumeur trouble qui dit que je suis plus discret qu'une ombre dans la nuit. Est-ce que concrètement, en n'y allant pas tranquillement les mains dans les poches, les gens ne me remarqueraient pas parce que je suis trop insignifiant pour eux? Alors T'es oui, insignifiant. effectivement. Non, effectivement, ça, vraiment, ça peut jouer. Là, c'est un cas où le trait peut devenir bénéfique. Mais dans ce cas-là, c'est un jet. Effectivement, c'est dans le cas d'un jet. Si tu veux pas faire de jet, faut claquer des points de Nekang. D'or Peut claquer des faire. points. Ouais. Tu veux claquer des points ou je tente le petit jet? Ou alors j'y vais, je pense la tête les très légèrement, juste pour avoir un œil et je regarde comme ça, vite fait, un petit coup d'œil si c'est vide, si c'est cure. Bah, très bien. Voilà, ça me va. Bah, tu vas me faire un petit jet. Oh merde, je voulais pas les faire. Ouais, c'est en vrai, tu fais pas grand chose, t'inquiète pas. T'aurais dû me laisser y aller. Tu fais un petit C'est jet. qui c'est? C'est toi qui. Non, putain, non. Oui, dis-moi. Oh, ça va être du kung fu là, ça va être du maîtrise. Pas de kung fu. Alors, tu devrais être Gong. bon. Ah oui, gong fu. Ah, pardon. Ah, ok. Du kung fu. Trois pets. Audacieuse, hein. Non. Ah, t'as un 8, mais Ah, je sais pas s'il va ah bah suffire. non. Ah, Ah bah non, ah bah non. bah Non. non. Et non. Non. Et non. Tu y vas pour essayer de rester discret. Ça fait combien? Ça Et. fait 11? Ça fait 11. Je rajoute. Je rajoute. Et en fait, tu n'es point. Tu n'es point discret en y allant. Ah, toi, tu me laisses y aller. C'est clairement les bruits de pas qui résonnent dans les longs couloirs de la géole, quoi. Et au moins, ce que tu es rassuré, c'est qu'en passant moitié de ton visage pour voir s'il y a quelqu'un de l'autre côté de ce couloir, Le piège il n'y ne a s'est pas planté personne. dans ma tête. Donc, au Ok. moins, vu qu'il n'y a personne, tu dis qu'au moins que tes bruits de pas résonnent, pour l'instant, c'est pas trop grave. D'accord. Pour l'instant. Et le chat est rentré dans une autre cellule? Oui, il est dans une cellule au fond. Est-ce qu'il y a moyen de tenter d'ouvrir la cellule dans laquelle le chat est rentré? Alors oui, vous pouvez. Effectivement. Elle est ouverte déjà ou pas? Non, si tu essaies de l'ouvrir, Ça... c'est la geôle est fermée. Bon, est-ce qu'on peut essayer avec les clés? Ça va finir en devenant une dragon version chinoise, C'est clair. je crois. Porte, monstre, trésor, porte, monstre. Déjà, on était un monstre, il y avait un chat. Je sais pas si le vieux était un monstre ou pas, mais. Est-ce qu'avec les clés ça marche ou pas de l'ouvrir? Tu essayes, et je vais te dire ça à la chance, parce que des fois c'est bien de se résoudre à la chance. Tu. Tant qu'à la chance. Ah non, c'est toi qui Et fais. donc, effectivement, ça s'ouvre. Une des clés marche. Pas, je rentre. Très bien. Tu rentres. Tu vois en fait une cellule classique hein, qui est quasiment identique à la vôtre. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un test d'esprit. Le taille que je veux. Ouais, bien sûr, comme tout le temps. Je sais pas, en général, quand tu lances des dés comme ça, tu dis toujours des noms bizarres. Oh, tout de suite. Allez, je vous prie. Ah ouais! T'as Ah bah eu un c'est bon, 8. là, t'as fait une réussite! Ah bah ouais, on peut faire un Eh petit bah truc ouais! parfait là! Eh bah c'est Ah parfait oui. là! Du coup, je gagne un petit point d'éveil là! Oui, Ah, c'est tout ce que bravo. tu voulais, toi, de toute façon, hein! Ah, depuis avant même le départ, Euh, Non, à part par c'est les contre, légendes que je visais! par Ouais. contre, je note que tu fais un jet Quoi? De pas merde! bien. Mais réussi! Je vois pas de Parce quoi que tu j'étais parles. merde, réussi! Et donc, hop. Du coup, tu observes, et en fait, c'était même pas caché, hein, puisque vraiment, c'était routinier, hein, ce que t'as fait comme observation. C'est même pas caché, il y a en fait, au niveau du mur, un trou qui te laisse présager, je commence à perdre mes mots, que bah, tout simplement, il y a une fragilité dans ce mur-là. Le trou est assez grand, en fait la taille d'un chat, bizarrement. Et tu te dis que du coup que la pierre ici est peut-être moins solide qu'ailleurs. Bah, Kung Fu foudroyant, on attend son retour pour qu'il essaye de casser un petit peu ce mur. Très bien. Et bah, du coup c'est la Ou un pause. petit coup de savate. Ah mais si vous voulez, Écoute, vous pouvez tente, hein, essayer. mais moi je suis pas assez costaud pour ça. Hein. Ouais, mais Est-ce si que tu tu me veux faisais mon essayer, rapport. Kaokai? Oui, moi je veux bien s'il faisait son rapport, parce que moi, je suis pas dans sa Non, tête, mais on hein. considère qu'il le fait, parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de répéter tout ce que je dis. Ça Attends, il serait y a mon chaton à qui peu m'a près. agrippé là, j'aimerais bien avoir ma main droite pour des clics souris des fois. Vas-y. Oh, il est vachement. Oui, Et du je coup, te. bah, ça Du coup. sera, si tu veux le faire, c'est juste un test de force, au taille que Ah, tu veux. ok, ouais. D'un petit coup de pied, quoi, histoire de nous jauger un peu, et puis s'il y a une brique ou quoi. Force. Du corps, là. Non? Oui, Du corps. corps. Alors, 3D, audacieuse, loupé, bas, logique, C'est une ou réussite pas. avec 2 points de souffle perdu. Tu frappes de toutes tes forces, une fois, deux fois. À chaque fois en fait que tu frappes, tu vois vraiment la pierre à la limite s'effondrer sous tes coups. En deux, trois coups, tu arrives à créer du coup ce qu'il faut, un assez espacement, ce qui donne du coup vue sur une espèce d'ouverture en fait dans la pierre qui semble avoir été taillée il y a longtemps et avoir abandonné depuis quoi. Ah, une entrée d'égout, un truc, enfin, on verra. Tu sais qu'il y a des yeux de chat, chercher les chats, voir dans le noir. Alors. Il On me a semble réussi que à c'est. trouver un trou dans une cellule Jiang Jiaseng. Oui. Il fait de la réussite sur image ou il. Comme ça. Je ne sais pas. C'est un Scovalio est poseur. parmi nous. Il nous entend? Oui, je suis là. Ah, bah voilà. Parfait. Qu'y a-t-il? On te regardait poser magnifiquement. Voilà, ouais, t'étais en train de faire plaisir. Il a trouvé une cellule avec un trou qu'on a réussi à élargir. Pardon. Oui, effectivement. À sec. Voilà, comme ça c'est dit, hein. Bah, est-ce qu'on peut s'enfuir par là? Ouais, c'est ce que je me demandais. Mais après, il fait obscur et noir dedans. Donc, qui veut y aller en premier? J'irai. Sachant qu'on n'a toujours pas nos affaires. Ah oui, c'est vrai. Et vos amis? Et mes amis. Eh oui, vous avez deux amis par là. Un Ah certain mais oui, Shuang mes cons. Guanzhao. Ah mais oui, mes cons. Mes cons d'amis. Ils sont Quoi, ils sont ici? condamnés. Oui, ils sont là. Là ou Ils dans la nous l'ont cellule? dit. Ils nous l'ont dit. Non, non, avant, Non, ils nous l'avaient dit que... Après, Il y avait soyez pas vous en sur fiers, le ça, dans c'est le couloir, il y vraiment. avait pas une porte fermée? Si, tout à fait, qui donne sur une pièce qui en fait se trouve à votre droite. Attends, concrètement là, il y a quoi derrière le trou? J'ai pas suivi. Naoming, tu peux Un passer. chemin qui sont menés vers un truc abandonné. On peut y aller. Je demande les clés En à soi, Baori. oui. Ah tiens, prends les clés, moi je m'en fous, je vais aller dans le chemin. J'essaie de voir si on peut ouvrir la porte avec les clés. Ok. Ça a l'air, y a l'air d'avoir de la lumière de l'autre côté ou pas? Non, pour le coup, c'est éteint. Et tu te rends du coup à cet endroit. Et en fait, au moment où tu rends la première clé, tu vois qu'elle marche pas, tu donnes quand même un petit coup pour essayer de l'ouvrir. Et tu vois qu'elle était même pas verrouillée en fait. C'est quelque chose qui s'ouvre. Et face à toi, en fait, t'as une sorte de placard avec dedans balais, des seaux. Ce genre de choses. J'attrape un balai. Ouais, tu peux me prendre un balai aussi, s'il te plaît? Ouais, je prends un autre balai, je le lance vers Baoming. Avec ça, maintenant, on peut se battre. Alors. Et attends, attends, prends les anneaux des sceaux, ça sert pour crocheter les serrures. Sachant que je vous autorise de vous battre avec, mais vous n'aurez pas. Enfin, vous aurez même un malus parce que c'est ce qu'on appelle des armes improvisées et c'est quelque chose qui s'apprend et que vous n'avez pas appris. De faire aussi mal avec un sabre qu'un balai, c'est pas la même chose. Dans ce cas, on n'est pas plus efficace à manu, peut-être. Non, parce que vous avez des dégâts à main nue du coup. Allez. Du coup, qu'est-ce que vous faites concrètement? Moi, j'aimerais bien savoir. Dites-moi tout. Je me mets au milieu d'un couloir, même voir pas tranquillement, mais sur un croisement et je regarde toutes les directions, voir s'il y a des déplacements, des bruits. Mais vous voulez Des pas bruits qu'on aille dans bruyants. l'endroit où on vient de casser le trou là? On va chercher nos amis là. Je pense pas qu'ils soient tous les deux planqués derrière un mur qu'on vient de découvrir, un passage secret en gros. On se voit plus dans les cellules ici, je crois. De façon Oh, très très ça peut résumée, on attendre peut dire des un amis. passage secret. On peut toujours aller dans le passage secret et les chercher après. Alors, en tous les cas, j'écoute, je regarde, voir s'il n'y a pas des déplacements. Très bien. Des bruits de déplacement, des personnes qui se déplacent. Tu écoutes et franchement, à part vous, il n'y a personne qui fait du bruit pour l'instant en dessous. Je fais sur les 2, 3, 4 portes qu'il y a à ma toute proximité, je fais des petits tocs et puis j'écoute. Je toque à. Pas gros coup de poing non plus, hein, mais. Pour voir s'il y a une réponse. Tout à fait. Tu toques sur les quelques portes en proximité, sachant en fait t'en as que deux, celle que Jacek vient d'ouvrir, et une autre qui se trouve en fait dans le coin en bas d'un autre couloir en fait qui est adjacent au vôtre. Parce qu'en fait tout le reste qui vous entoure c'est des cellules, hein, donc vous voyez plus ou moins ce qu'il y a dedans. Et pour le coup, du coup, excusez-moi. Tout ça pour dire que oui, du coup tu toques à l'autre. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un petit test rapide, hein, s'il te plaît, d'esprit. Allez-y. Ouais, il est un 8, donc du coup, tu peux le transformer en 16. On vous le note. Hein. Hop. Du coup, en fait, en toquant, tu notes ce fait étrange. Que ça résonne en fait de manière assez étrange, comme si c'était une très petite salle, hein. Et tout au fond, tu entends comme des gens qui se débattent. Ah ouais, d'accord. C'est déverrouillé? Regarde, juste c'est déverrouillé, je sais déverrouiller. La première porte, tu l'ouvres. Face à toi, il y a comme une salle totalement inutile. Hein. Elle fait 5 mètres de profondeur, elle donne sur une autre porte, et elle est vide en fait, il n'y a rien dedans. Et par contre, C'est du une coup, antichambre. C'est ouais, c'est ça, c'est une antichambre. c'est idée. Et du coup, bah, tu approches de la deuxième porte, hein, qui est celle-là, est fermée. Ok, je fais signe aux deux autres. Il y a du grabuge là derrière. C'est du grabuge du type agressif ou du grabuge du type chill, on peut y aller tranquille. Ah mais Je sais pas, moi je vous appelle, moi après. pas J'aimerais agressif bien ouvrir déjà, j'ai pas les clés, et après si je donne des coups de pied, je risque de me fouler la cheville ou je sais pas. hein. Parce qu'il y en a déjà qui se sont fait mal avec en donnant des coups de poing. Ouais. Écoutez, moi, je suis toujours pour aller voir le lieu abandonné, mais si vous voulez vraiment y aller, je vous suis. Alors lui, je le suis nulle part. Lui, je le verrai plus jamais nulle part. Je me vous mets dans la forêt pour aller voir un lac et sauter du haut de la cascade. Merci, merci, Ça n'a merci. rien à voir avec ce qui se passe maintenant. Puis en plus, Non, dans mais notre. non, parce que là, il veut se barrer là où il n'y a pas de bruit, en fait, là où c'est pas c'est noir. Non, c'est juste que ça a l'air bien plus intriguant et intéressant le passage secret montré par le chat. Ouais, moi, je voudrais récupérer mes potes aussi, donc peut-être qu'ils sont là, quoi. Peut-être Puis la qu'ils sont là. cascade nous avait montré le repère des bandits. Ouais, mais bon, ça ne servait à rien. Sur Dans le tous les coup. cas, vous réussissez dans cette salle. Moi, je vais faire un peu d'avance rapide parce que quand même 20h40, 22h40, pardon, on rame un peu. Vous réussissez dans cette salle. Hein. Et rapidement, vous arrivez à établir contact. Car, du coup, cette salle se trouve effectivement vos amis. Et vous avez un court dialogue avec eux. Pour le coup, de ce que vous savez, vous avez contact avec Shang Nanzhao. Par contre, Xiang Teng est pour l'instant inconscient. Shang vous Mais explique en gros que. Oui. Expliquez-moi. Qui m'a. J'ai entendu un non. non, non, D'accord, non, rien, je. c'est juste parce que un cri d'étonnement parce qu'une certaine personne est dans les vapes. D'accord. Et du coup, le petit dialogue, je ne m'autorise pas à roleplay de façon directe le personnage d'un autre. Donc, je vous fais un petit dialogue rapporté. Vous permet du coup de savoir que bah, la porte en fait est tout simplement verrouillée et très solide, hein, puisque Shang a tenté à multiples reprises de Ouais. parvenir à bout. Et c'est le micro qu'il faut couper. En gros, bah, ils sont enfermés là-dedans. L'un est blessé pour Shang, ça va. Et du coup, vous demande bah, de faire au plus vite pour les aider à sortir de là, vu que apparemment vous êtes sur une bonne voie. Bah, les clés, ça marche? Les clés ne marchent pas. Peut-être qu'il y a des clés cachées dans l'endroit abandonné. Ils ont pas pris des manches à balai, là. On peut faire le vide avec pour déverrouiller le truc, pas donner des coups, je sais Non, pas, non, on a pris péter la les anses des porte. sceaux pour faire crochet. On peut péter la porte. Bah, essaie de crocheter alors, mais te foire pas, mec. Ah, écoute, hein, c'est pas moi qui Bah, décide. C'est toi alors, le plus expert. tout jet de crochetage sera fait à niveau digne d'un immortel. Hein? Ne fais pas ça. Je fais pas de crochetage là. Non, tu vas perdre tout ton. Tu vas être essoufflé comme pas possible. Je vais mourir en crochetant une serrure. Tu vas te Pareil, mais non. vomir et te pomper dessus. Valio, j'ai l'impression que ton son était super faible. Oui, c'est parce que je parlais loin du micro. Pareil pour péter la porte. C'est Bon, de la les grosse gars, porte, quoi. faut aller C'est dans une bonne l'endroit. grosse porte. Faut aller dans l'endroit abandonné. Ça doit être une salle des coffres. Ils l'ont foutu dans la salle des coffres. Faut aller Ah dans l'endroit ouais. abandonné, les gars, je vous le dis. On va aller récupérer nos trucs. Ouais, on se barre dans le trou reculé, sinueux et obscur. Très bien. Bon Vous choix. retournez du coup dans l'autre Salle? Pièce? cellule, c'est une cellule, et vous enfoncez difficilement, mais vous arrivez du coup à vous insinuer entre les pierres. Vraiment, l'espace qui est entre les deux est assez léger, hein, ça vous laisse pas une énorme manœuvre, hein, mais vous arrivez en forçant un peu et en déchirant un peu vos tenues par passer. Matez pas, hein. Je vous vois venir. Bon, honnêtement, on est dans le noir, il n'y a pas grand chose qui... Il n'y a pas grand monde qui va pouvoir mater. Non, mais on Dans peut tous les t'aider. cas, au bout de... Je sais pas qui c'est. pas très longtemps, où en fait la pierre finit par s'élargir et vous pouvez marcher un peu plus normalement. Au bout d'une ou 2 minutes de marche, en fait, vous comprenez très vite en fait d'où venait ça. C'est une sorte d'ancien égout de la ville qui semble avoir été condamné puisqu'il est fermé de part en part et donne sur un puits lui aussi fermé. Est-ce qu'on peut entrer dans le puits? Oui, enfin le puits est... Pour remonter. est en haut. Si vous êtes en dessous, le puits sera en haut. Bon Vous êtes en sous-sol. bah déjà on a trop la sortie les gars. Il y a une corde qui pend dans ce puits abandonné? Non. On peut Mais on peut on escalader, pourrait c'est escalader les pas un parois? problème. Vous Ah oui, pourrez marcher sur escalader les par murs, quoi. tout ça. Attends, mais est-ce qu'il donne sur l'extérieur au moins? Ah oui, c'est un puits. Pas forcément, il a peut-être été condamné. Franchement, il est condamné pour le coup. Hein. Le dessus est totalement fermé. Vous savez pas par quoi. Étant donné que c'est juste fermé pour vous. Hein, vous pouvez pas visualiser comme ça. Et Je puis voilà. crois. Attends, à vérifier, mais il me semble qu'avec ma maîtrise des ombres, je peux voir dans le noir. Tout à fait. Mais il faut dépenser un point pour ça. Deux même. Non, le voir dans le noir, c'est l'étape 1, non, il me semble. Ah, quoique. Tu me fais Non, non, douter. c'est la deux. C'est la 2? Et Et du coup, il Valio, faut 2 points. Non mais il a raison. Non mais on triche pas. Valio. Ce qui voudrait dire du coup tu n'aurais plus de Neigong pour la suite. Et ça fait quoi le Négong quand on en a plus? Ça fait rien. Ça veut juste dire que tu ne peux pas faire de Wugong et de Eh technique. ben, tu peux plus. Bah, si c'est une Tu sortie, veux de surtout toute dire façon, que t'as si besoin c'est de la sortie, méditer, en autant fait. attendre de libérer nos potes d'abord avant d'y aller. Oui. Est-ce que, à tout hasard, ça serait pas le moment de se faire un petit Un petit sandwich. méditation, j'ai oublié c'est quoi le nom. Un Tao? Tao. Honnêtement, est-ce que tu trouves qu'être en Dans plein un milieu d'une endroit. prison, que tu es en train de t'évader, C'est c'est le l'endroit temps, parfait pour faire de la c'est le temps de méditation? t'endormir. Ça m'étonnerait Voilà. que tu puisses faire un Tao là-dedans. Mais t'es Alors plein d'abord. d'idées, mais t'es plein d'idées. Justement, c'est pour mettre les esprits au clair et retrouver Là, là, là. les issues possibles, Non, comment non, non, si non, tu pas un veux, mais ça veut endroit dire pour que je pousser la considère que tu méditation. passes réellement 1 heure en plein milieu d'une prison dans laquelle tu es en train de t'évader. Parce que Il t'es va y vraiment avoir dans le plein soin, d'idées, des trucs mec, comme t'es ça. Non, plein non, faut qu'on aille d'idées, vite. Faut qu'on aille Ouais, vite, faut qu'on on prouve nos, trace, on faut trace, qu'on on trace, faut qu'on on trouve trace. nos effectifs personnels. Ouais, Et exact. Et qu'on retrouve nos potes. nos possessions personnelles et qu'on trouve la clé pour leur ouvrir. C'est pour ça Est-ce que que les le vieux oreilles est et les toujours avec oreilles nous? alertent depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure, depuis tout à l'heure. Et le vieux, on l'a pas interrogé depuis tout à l'heure. Il est là Et encore? vas-y, Ah vas-y bah le vieux mademoiselle, est t'adores dans la les cellule, conneries. hein. Enfin, Il a faudrait que pas vous bougé voyez pas quand le même vieux. derrière. Vas-y, Non, vieux, il est resté dans mademoiselle. son coin en train de dormir. On va le chercher ou pas? On va le chercher, il va nous servir de guide, il va nous sortir. Ouais, mais Ouais, en vas-y, fait, allez ce que hop. j'ai peur, c'est que il y ait des gars qui soient revenus. Bon, j'y vais en mode Bah discret. Je retourne. on les aurait vus et on les aurait entendus, non? Ouais. Je Ouais. retourne quand même en mode discret voir le vieux. Au cas où. Tu retournes en mode discret. Je veux juste dire que tu fais gaffe. Par chance, pour la même chose qu'avec Kaokai tout à l'heure, hein, mais il n'y avait point de personne pour l'instant dans le couloir. Vous retrouvez vos deux amis assommés au sol. Hein. Et Non, il y en a un qui est mort. rapidement, mort. Peut-être. Je ne sais pas. Ouais, Je lui ai j'en brisé la suis. nuque. Oh oui, c'est possible. C'est vrai que tu lui as brisé la nuque. Il y a forte chance qu'il soit mort, mais peut-être pas. Hein, qui sait? C'est peut-être un personnage important qui va revenir. Les gars, on court. Hein, s'il a pas la nuque brisée, on court direct, je vous le dis. Il Là, t'a c'est maudit jusqu'à la force. troisième génération, le mec, il va revenir te Ah, rendre. c'est pour ça que je rate mes dés. Ah, t'as mauvais karma, toi, t'as mauvais karma. Déjà, En t'as pas. vrai, Non, mais du là, coup, faut en profiter, il tu. est assommé, tu le finis. Tu retournes du coup à la cellule et le vieux est en train de dormir en tailleur, exactement comme à chaque fois que vous l'oubliez 30 secondes. Du coup, je lui demande généreusement s'il peut nous guider dans ses cellules et Non, non, éventuellement. tu parles pas, tu parles mal, tu parles mal. Non, non, venez, vieil homme, venez, on va vous sortir de là, venez. Il lève la tête. D'accord. Et il Allez, se c'est l'heure du lève. repas à l'extérieur. Tu vois Et qu'il puis, te suit. si vous connaissez un peu le chemin, montrez-nous. Mais il Souvenez-vous, suffit de souvenez-vous. sortir par la porte. Ben ouais. Et vos affaires, elles sont où? Votre théière, où c'est qu'ils les mettent, tout ça? Les affaires confisquées, tout ça? J'en ai pas. Eh Et ben les nous, nôtres? on en a besoin, s'il vous plaît, aidez-nous. Si vous cherchez des vêtements, C'est au magistrat qu'il faut demander. Oh merde. Et tu sais comment libérer les gens qui sont dans la cellule là-bas là? En leur montrant, lui montrant derrière la grosse porte. Ok, donc vous faites le tour du couloir parce que c'est pas à côté. Vous lui montrez la grosse porte. Est-ce que tu sais comment ouvrir ça? Ouais, voilà. Pour ouvrir une porte en bois, c'est un magistrat qu'il faut demander. Et tu connais le magistrat? Ouais, petit homme, gros. Non mais tu le connais bien? Vous êtes amis? Je suis ami avec tout le monde. Oh, tu veux pas lui demander pour nous, s'il te plaît? Parce que nous, il nous fait peur. Non. Si. Non. Moi, je suis grave pour. Ah ouais, mais toi... Ah non. Ça, c'est une mauvaise idée, ça. Non, bon, mais... Valio tranche. Là, on a fait le tour du patelin. Moi, franchement, là, je sais plus. Mais là, faut pas laisser le vieux parler directement au magistrat. À moins qu'ils connaissent la route, parler jusqu'à... Non, mais on chope le magistrat et on le on nous, le force. On lui parle, mais le vieux, lui, il parle pas. Bah, qu'importe qui nous suive ou pas, de toute façon. Bah, si. Ouais. Si, c'est le guide. Moi, ce Danchi, je l'aime bien. Ouais, moi, ah, je pense non, qu'il non, est... Non, mais j'en pense pas du mal, le Danchi. Je pense du mal de ses idées à lui, là. Attends, j'ai... Non, mais j'ai moi, je pense que le Danchi, il est super intelligent, mais qu'il cache des choses. Tu sais, il fait semblant d'être fou. Est-ce qu'on j'en ai pas déjà entendu parler? Est-ce qu'il a pas une réputation, un truc comme ça? Ah, franchement, le nom Danchi, Danchi, pardon, te dit absolument rien. Absolument rien. Yeah. Et à moi? Non. Le nom Danchi, c'est... Ouais, vraiment, hein, ça, c'est un nom anonyme que j'ai jamais entendu de votre vie. Ça résonne pas, ça... Enfin, je veux dire, typiquement, ça serait un nom, genre, si je devrais vous balancer un truc au pif, tu vois, il balancerait Danchi, tu vois, genre, c'est... C'est pas genre... Y a pas un aura derrière. C'est comme le mec, je m'appelle John. Voilà, John c'est ça, Wayne toi, genre... John, c'est tu peux dire John Snow, John Lennon... Ouais, ça reste John inconnu, Poupa. Tu vois. Genre, si un mec dit juste je m'appelle John, tu fais oui, bah d'accord, enchanté, John. Moi, je m'appelle John Wing. Enfin, voilà, du coup, ouais, non, ça a vraiment aucune résonance en vous, ce nom. Ok, bah, let's go taper du magistrat. Et attendez. Dans l'armoire avec les balais, oui. Y'avait pas un briquet? Pour mettre non, le feu à la porte. J'ai jamais dit ça. Non. Tu t'imagines des choses. Non, je dis, est-ce que par hasard, tu vois, parce que ça avait l'air d'être un beau placard, un beau fourre-tout. Tu peux faire un barbecue. Ouais, il y a un briquet bic en plein milieu de la Chine du 12e siècle, tu vois. Y a... Mais bon, une pierre à feu. Tu sais, il y a un briquet bic, un peu de papier, des feuilles. Non, une pierre à feu. Non. De la poudre d'artifice, je sais pas. Il n'y a pas de quoi faire du feu, je suis désolé. Je suis presque sûr que maintenant que les gens qui font le ménage le font pas avec du feu. Jamais, tu sais, pour faire de l'eau bouillante, histoire de mieux nettoyer certaines parties un peu crades. Bon. Dans les cellules, ouais. Que faites-vous réellement, s'il vous plaît? Non, on prend l'autre chemin et on va taper le magistrat. De ce que vous savez, parce que du coup, moi, je vous fais parcourir ça de manière un peu rapide, mais du coup, à la première intersection, se trouve. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. Je tiens à vous signaler, parce que vous battez mieux que moi, je pense, il y en a un des deux qui rate pas ses jets tout le temps, de prendre les costumes de garde. Parce que là, on est en sac à patates, hein, je vous préviens. Ouais, mais c'est très mal vu dans le monde des Wuxia de fouiller un cadavre ou un homme assommé. Non, mais là, on fouille rien. Là. On pique et on se déguise. C'est pareil. Non, c'est pas moi, je le fais pas, c'est contre mes principes. Bon, bah, je le fais, moi. Reste à poil, mal vu. C'est vrai que ça peut être moralement... Vous savez, c'est un peu comme le poison, ça peut être moralement assez mal vu. Bon, après, c'est vrai qu'il y en a un des deux qui est mort. Là, pour le coup, celui qui est mort, c'est vraiment, vraiment, vraiment joué avec la morale de le déshabiller. Celui qui est assommé, à la limite, c'est pas si grave que ça, parce que bah, il est assommé, il va se réveiller. Après, il n'était pas tenu de tuer, donc bon. je me costume parce que je supporte pas le sac à patates. Là, Tu te costumes avec celui qui est assommé ou celui qui est mort? C'est très important pour que je sache quel type de personnage tu es. Ah non, mais moi je suis pas mauvais, donc ouais, bah autant aller pour celui qui respire encore. Très bien. Ça veut dire que quand tu es servi, il sera tout nu. C'est aussi horrible. Ah putain. Tu veux lui infliger une honte telle que ça? Se réveiller rapidement. Tu peux lui offrir le sac à patates. Celui qui est assommé, je le tire dans la cellule et je ferme la porte à clé. Très bien. Mais attends, il a pas encore déshabillé? Ouais, mais non, si... mais après qu'il l'ait fait. Soyez pas si premier degré dans les actions. Je vais pas calculer que le mec le tire au moment où l'autre le déshabille. Enfin, ça, vous inquiétez pas. Je Je peux gérer Attends, les temporalités un peu différentes. Attends, j'ai pas son pantalon. Il tient le pantalon. Attends, c'est mon cul-de-chaussette. Dans tous les cas, Caotai, toi, Caokai, pardon, je sais que tu aimes pas Caotai. Caokai, tu t'habilles, du coup, en garde. Ce qui est effectivement pas une mauvaise idée, hein, parce qu'au moins, tu seras un peu moins suspect que les deux hommes en sac à patates si tu viens arriver dans un lieu public. Et du coup, je vais rebondir sur l'idée que je commençais à vous dire, c'est qu'effectivement, quand vous avez traversé, vous avez remarqué qu'il y a un escalier qui est disponible dans un couloir qui se trouve à gauche. Cet escalier doit sûrement donner au rez-de-chaussée, parce que vous savez, parce que vous faites partie de cette culture, que généralement, bah, les prisons, les geôles, les cellules, tout ça, ça se passe au sous-sol. Et en fait, c'est Oui. des sous-sols du lieu dans lequel se passent les tribunaux juridiques, hein, si on peut appeler ça comme ça. Moi, j'appelle ça de l'abus de pouvoir de magistrat, mais dans tous les cas, ça se... Oui, d'accord, des lieux juridiques. C'est des yamens, si je ne me trompe pas de nom. Donc, du coup, c'est un gros bâtiment, et c'est dans le même endroit où vit le magistrat. C'est, en fait, voilà, il y a tout là-dedans. Ça, je vous le dis pas que parce que, en mode haha, je donne des indices, et aussi parce que c'est votre culture, hein, c'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle autre ville du Song, c'est la même chose en fait. Donc, c'est des choses que vous savez par défaut. Mais de toute façon, c'est le vieux qui nous sert de guide, tant qu'on le suit juste. Fin de guide. Oui, d'ailleurs, vous n'avez pas fini votre dirigé, parce que du coup, vous êtes parti vous habiller, vous revenez. D'ailleurs, Kaogai, quand il te voit, il rigole très très fortement te C'est voyant pas aller. ajusté, oui, d'accord, ok. D'ailleurs, j'en aurais profité pour faire une petite prière pour celui qui est mort. Oh, Tu c'est fais le gentil moine. ça. Après, tu sais que tant qu'il n'est pas sur sa terre natale, en vrai, bah, son esprit va errer et sera triste toute sa non-vie. Donc, Oups. oups. Tu avais une pièce de monnaie, Badbao. Donc tu peux lui donner la pièce pour qu'il traverse les enfers. C'est Valio qui l'a prise. Valio? Ah bah Valio. Bah écoute, tu m'en remets. Hein? Tiens, 5, il lâche pas l'argent. Non, non, Ouais, non, il lâche pas sa pièce, hein, c'est son Non, précieux. sans Hein. déconner, c'est pas une coutume romaine, ça? Oui, non, mais il me semble que c'est C'est pas. une Je coutume précieuse. suis en d'aller sur mon chapitre sur les. Si, c'est pour traverser le Styx. Si, c'est complètement pour traverser le Styx. Alors, attends. Non, non, non, mais Mais c'est. où est-ce Non. que. D'où tu viens, t'es outside? Tu peux Oh, mon dépasser! Dieu! Bon, on Attends. va arrêter avec vos conneries, parce que quand ils brûlent Oui. des faux billets, tu vois, c'est Alors, attends. quoi? C'est des trucs mortuaires, hein? J'y Mais ça, suis c'est au dans Japon, non? le. Merde. Attends. Alors, les rites funéraires. Non, mais c'est bien, j'ai un petit chapitre, ça nous permet de faire un petit truc. En même temps, il faut qu'on aille tous le même truc, donc c'est pas grave. Les rites funéraires Excusez-moi, consistent à brûler je vais aux toilettes. régulièrement des offrandes. Bah, vas-y, bon, c'est pas grave. Donc, du coup, oui, les rites funéraires, hein, c'est de brûler des offrandes sous forme d'objets de papier que les défunts puissent en profiter dans l'au-delà. On laisse également des coupelles de fruits, des bâtonnets d'encens allumés devant les tombes. Et effectivement, pour qu'un corps enfin, trouve le repos, il faut qu'il soit enterré sur sa terre et qu'il ne soit pas mutilé. Et donc, du coup, effectivement, la pièce, c'est Ouais, mais sûrement ça, c'est la romain. pratique taoïste, non? Comme ça. Oui, mais c'est ce qui se pratique actuellement en Chine, en fait, à l'époque. Oui, mais bon, moi, je suis bouddhiste, j'ai une vision différente du truc, quoi. Je prie pour sa réincarnation et puis Moi, basta, je quoi. suis bouddhiste. Ouais, moi, je fais pas les choses comme les autres. Ah, vous, enfin, malgré tout, il me semble que vous suivez quand même pas mal ce truc-là parce que à cette époque-là, en tout cas, c'était super mal vu, par exemple, de quitter ses terres justement pour ça. Parce que si tu quittes tes terres, si tu meurs, tu ne pourras pas être en repos. Enfin, c'est pour ça que les Wuxia, d'ailleurs, sont des hors-société. Parce que c'est des gens qui osent sortir de leur ville natale. Hein. Je sais pas si tu te rends compte. Ouais. Ouais, c'est Désolé surtout d'ailleurs une les gens, je coutume pour meuble un peu obliger les en gens à parlant rester moi. chez eux, quoi. Oui c'est ça, hein, très très rare étaient les gens qui bougeaient réellement. Après il y a des exceptions, tu vois, le fils du ciel lui il a droit, tu vois, parce que c'est Parce que l'empereur. partout, c'est sa terre natale. Bah Exactement. ouais, c'est le fils du ciel, le ciel il est au-dessus de tout, hein. Et oui, effectivement. Mais voilà. Mais voilà, après bon, du coup je parle un peu au chat parce que bah il y a un joueur en moins. Mais bon, je veux dire, on est dans la Chine du 11e siècle, c'est pas la période historique la plus connue, donc c'est normal s'il y a des petites erreurs, etc. Puis le jeu n'est pas historique, donc c'est pas très grave. Mais effectivement, pour le coup, c'est vrai que la pièce n'est pas dans ce que je sais du deuil. Et je me base en fait uniquement de ce qu'il y a écrit dans le bouquin. Donc peut-être qu'historiquement il y a des conneries, mais je m'en fous. Je reste sur le bouquin parce que sinon après je suis perdu. Parce que je ne connais pas énormément cette période. Hein. Moi-même, je fais avec le bouquin. Et du coup, on va attendre, on attend Luxine. Bon, bah écoutez, c'est le moment pause pour YouTube. Eh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Ouais. Ouais. Et laissez un commentaire. Yeah. Pardon. Il y a pas de souci. Du coup, je me suis amusé à faire de la pub nulle pour YouTube. du coup, effectivement, par contre, j'ai vérifié, la pièce ne fait pas partie, en tout cas, au moins à l'époque du rite du deuil. En fait, c'est des ensembles de papier. Donc, en gros, c'est un avec des papiers. Tu dessines un objet et tu le brûles et ça permet aux morts de récupérer. Ouais. Ouais. Bon, dans tous les cas, on a Jatsen qui fait une petite prière bouddhiste. Pour notre ami tombé au combat, même si c'est un djinn, que c'est un pire ennemi, il a le droit au. Ça reste un humain. Voilà, c'est vrai, ça reste un humain. De l'autre côté, pour en revenir au point un peu central, le vieux, quand vous lui dites ouais, de toute façon, tu vas nous guider, en fait, il s'assoit en tailleur. Il fait, non, moi je reste ici. Pourquoi? Pourquoi donc? J'aime bien l'ambiance. La cellule. Bah, vas-y, si tu veux, je t'enferme après, mais envoie-nous. Si tu veux, je t'enferme à double tour ici, comme ça, tu restes toute ta vie, mais emmène-nous juste, ça sera ta récompense. Faites juste attention, parce que maintenant, il peut y avoir des âmes errantes, des fantômes, sauteurs. Peur. Vous avez peur. Vous toquez à la porte et vous gratte le dos. Et pas que le dos, hein. Même la plante des pieds, t'imagines? Et qui vous regarde? Je ne bougerai pas d'ici, aussi sédentaire qu'un arbre. Ouais, mais l'arbre, si je le déracine, il vient avec moi, donc tu veux pas venir? Quel est votre choix, honorable Danshin? Yes. Nous, si je te donne à manger? Je lui fais une petite révérence et moi je commence à partir. Oui, qui ne bouge plus. En fait, il reste planté devant la porte en bois où il y a vos amis derrière. Et contre une poire au caramel. Non mais, tu es seul en rentrant. Tes amis sont en train de partir, tu sais, t'es... une poire au caramel. Stop, il est toujours en train de marchander celui-là. Est-ce que je peux rester avec lui pour taper la discute parce qu'il a l'air sympathique quand même? Et ben non, parce que tu es un joueur et que tu restes avec les autres. D'accord. Non mais... Non mais en fait, au bout d'un moment, on revient, on l'attrape par le col et on repart. Bien, du coup, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous prenez les escaliers? Est-ce que vous décidez peut-être de voir s'il y a d'autres issues? Je ne sais pas, dites-moi tout. Bah, est-ce que... Dans les escaliers? Est-ce que la chambre, enfin, l'endroit où vivent les magistrats en général dans les Yamen est toujours situé au même endroit? Oui, c'est... enfin, toujours, ça serait exagéré, mais la plupart du temps, en fait, c'est à l'étage. En fait, il a bon, un y étage va, réservé à lui et il y habite. Go à l'étage. Ouais, ça dépend de la richesse de la ville et de plein d'autres facteurs, bien mais sûr, en gros... Ouais. C'est l'idée. Ouais. C'est il a son bras. Oh bah, on va à l'étage en mettant des ninjas. Ouais, de façon... Très bien. Vous... dirigez du coup vers les escaliers, parce que bah, c'est l'endroit pour du coup atteindre le rez-de-chaussée puis l'étage. C'est, je suppose, Kaokai qui va en premier, étant donné qu'il a une armure de garde, si jamais il se... Enfin, vous faites voir, ouais, il peut... Ça sera leur alibi, comme quoi. Tout à fait. C'est plus logique comme ça, donc du coup, effectivement, tu vas en premier, tu essayes par... Oui, d'ailleurs, j'avais une question par rapport à que j'allais aux toilettes. Il est armé, ce garde, ou alors il a juste une non. matraque ou ils n'avaient pas d'armes, d'ailleurs. Ce qui est D'accord. étonnant pour des gardes, mais ils n'avaient pas d'armes. C'était des gardes qui connaissaient le kung-fu, mais ils sont nuls. Ils sont pas nuls, on est juste trop forts pour eux, c'est tout, on est des wuxia, mec. Ouais, voilà, c'est ça. Vous montez les escaliers, et en fait, vous arrivez dans un énorme hall. Hein. Ce hall, vous savez, c'est ce hall qui permet d'arriver, en fait, à toutes les salles... comment on appelle ça? C'est les salles de tribunal, quoi. Enfin, genre, même si le tribunal, à l'époque, c'est pas celui qu'on connaît actuellement, il y a quand même une plus... Selon les villes, en tout cas, dès qu'une ville est assez conséquente, là, c'est encore une petite remise historique, mais vous savez que, généralement, en fait, il y a le magistrat, il a une centaine de sous-fifres hein, qui travaillent pour lui, et qui font les dossiers, et lui, il a juste arrivé à dire, du coup, bah, coupable, pas coupable, suspicion, etc. Donc, du coup... Oui, voilà, bon, après, c'est pas vraiment des salles d'audience comme on l'entendrait aujourd'hui, hein, c'est très... c'est plus... Il y a plusieurs personnes qui travaillent en même temps sur plusieurs trucs, voilà, c'est pas... On n'est pas dans le truc actuel. Hein. Dans tous les cas, voilà, vous avez 10-15 portes qui vous entourent, certaines derrière, à côté. Enfin, en gros, il y a une porte par contre à gauche qui, du coup, vous en doutez, doit mener vers le hall d'entrée, puis vers, du coup, la ville. Et du coup, en face de vous, 5 portes, à droite, 5, qui est derrière vous, 5. Sachant que quand vous rentrez, vous entendez un énorme brouhaha, genre plein de gens qui s'en rendent crier, à la limite, genre une grosse conversation bien, bien péchue, du côté de la porte qui est à gauche. Je dirige vers la gauche. Je m'approche et je colle mon oreille sur la porte. Très bien. Moi, je vais à la porte qui est de l'autre côté. Très bien, tu te diriges vers une des portes qui est de l'autre côté. Celle qui est silencieuse de près. Alors, il y en a plein qui sont silencieuses pour le coup, c'est pas très mouvementé pour le moment. Celle qui m'inspire le plus. Très bien. Je vais considérer laquelle t'inspire, on verra ce que ça donne après. En tout cas, vous tendez l'oreille Kaokai et Jatseng pour voir un peu ce qui se passe. Et ce que vous entendez, c'est plusieurs personnes, pour le coup vraiment nombreuses, hein, comme s'il y avait genre la moitié du village qui s'était réuni, et qui sont en pleine, comment on pourrait dire ça, mouvement social, Contestation. contestation, merci. En grève. Je suis désolé, hein, je suis un peu fatigué En ce soir, mes mots ne viennent pas gilet jaune. naturellement. Alors en vrai, c'était le premier mot qui m'est venu, je me suis dit, voilà, ils sont les gilets jaunes, hein, mais je me suis dit, c'est pas très d'époque, c'est pas très Ah, ils vont faire ambiance, pas tu vois. d'ambiance avec l'histoire et tout. En gilet de lapis-lazuli avec écailles de... Mais ouais, en vrai, voilà, en plein contestation, et pour entendre par-ci par-là des voix qui s'élèvent et qui ont l'air de questionner une personne sur bah, qu'est-ce qui se passe en fait dans la ville, quoi. Ce qui en fait peut sembler logique le lendemain d'une prise militaire de la ville, quoi. Donc visiblement, il y a une des personnes qui savent. Si vous voulez essayer Magistrat, ça. de comprendre effectivement ce qu'il peut avoir derrière. Vous pouvez faire un jeu si vous voulez d'esprit, au taille Veux que vous bien. voulez, parce que comme ça je vous dis Je veux bien. clairement ce qui se passe derrière et vous n'avez pas besoin de deviner. Ah mais si vous ratez, ça va être rigolo. Oh merde! Ah bah Ah bien non, c'est Valio. Valio. Ça, c'est Valio. Valio, Mais moi, je suis où? Hey, tiens 5, tu fais quoi? Tu l'as Ils pas vu. sont où tes réussites magnifiques là? Je suis juste au-dessus, monsieur. Ah d'accord, excuse-moi. Tu es le 15 sur 16, c'est ça? Je crois, parce que ouais, on a dû les faire en même temps, puis ça s'est affiché Alors après. attends. Le Le voilà. 7 sur 12, c'est Valio. Ouais, Ah ouais, c'est ça, ouais. T'es c'est 15 toi sur ça? 16, c'est... Non, Non, non, non, non, non, c'est c'est fait pas 15 toi sur ça. 16. Ah si, si, si, c'est C'est toi. 15 sur 16 avec un 8, c'est Avec un parfait. 8, donc tu as une réussite parfaite, donc je le note, encore un point d'éveil. Ah, il semblerait que ton pacte avec le diable prend fin, Valio. Oh le mesquin! Oh le mesquin, le mesquin! Oh, en vrai, Kaokai, toi tu comprends en fait directement, c'est que tu sais que chez les Song, hein, c'est quand même ta culture. En fait, le magistrat, en fait, tous les matins, il a une obligation, ce qui est de se rendre en fait sur la place publique et de prendre Les les plâtres? j'allais dire les délations, mais pas du tout. C'est un autre mot qui ressemble. Oui, les Les plaintes, plaintes. c'est très bien, plainte, c'est joli comme mot, c'est Et mon facile à sortir. micro est coupé et j'ai voulu Ah. dire les doléances. Ah putain, Les elle était doléances. forte, toi. Voilà, les doléances, les plaintes des gens, et en fait, ils sont obligés de consacrer leur matinée à ça. Et vu le brouhaha, et vu que tout le monde enfin, pose des questions par rapport en fait, à l'ambiance de la vie, tu supposes en fait juste que le magistrat est parti faire ce qu'il est censé faire tous les matins et qu'il s'est retrouvé face à une foule Pas qui est juste content. en panique sur ce qui est en train de se passer, quoi. Ce qui est normal, hein, les djinns viennent de prendre la ville. Toi, par contre, Jatseng, tu n'as rien compris. T'as envie de te demander, mais pourquoi les gens gueulent? À tous les coups, il y a une autre attaque des djinns et il va falloir se dépêcher parce qu'ils vont foutre le feu à la ville. Je lui explique quand même avant qu'il s'énerve quand C'est même la dommage. situation. Ah, c'est que ça. Ouais, c'est tout, franchement. Là T'as vu comment là. ils gueulent ceux-là, t'as vu? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On attend le magistrat? J'ai pour non non j'ai pour aller idée d'aller dans sa dans sa dans son appartement. Mais on sait pas dans quel. Enfin, je sais pas. Bah ouais, T'avais dit mais 5 portes, c'est ça? 5 de chaque côté, je crois. Il dit C'est qu'il est ça. parti de l'autre côté, lui, toujours. Sachant qu'il y a, en fait, en réalité, pour vous décrire entièrement la salle, il y a les 5 portes de chaque côté, effectivement, une porte pour le hall principal, et sur le coin gauche, il y a des escaliers qui montent. Bon, on prend les escaliers qui montent. Très bien. Bon, bah, on se dépêche, on prend les escaliers qui Bowling, montent. est-ce que tu insistes sur ta porte ou voyant tes amis se diriger vers l'escalier, tu les rejoins? Pourquoi pas insister sur ma porte? Tu insistes sur la porte. Du coup, tu veux faire quoi? Tu veux l'ouvrir? Tu veux écouter? Tu dis-moi. Ouais, je l'ouvre. Okay, tu l'ouvres. Tu vois en fait une salle dans laquelle il y a plein de sortes de petits bureaux disposés. Et tu vois quelques gens en train de travailler. Et tu comprends, bah, c'est les offices du magistrat hein, qui sont juste en train de faire leur boulot comme bah, des gens honnêtes, des citoyens. Et qui s'en rendent parler à des gens et qui prennent des notes. Bah, je ferme la porte et je pars. Tu refermes la porte. Hein. Et tu rejoins J'attends tes dehors. amis. Oh, il y a des gens. Non, je rejoins Juste les autres, un... je rejoins les autres. Oui, voilà. Non. Très bien. Moi, Tu... je dirais. Oui, bah, de toute façon. Non, parce que j'imagine la situation. Le mec, c'est un prisonnier, il est en tenue de tôlard, un sac à patates sur lui, il ouvre la porte. Ah bah, salut! Il referme. Tu vois, c'est un Non, peu comique, mais quoi. Mais tu ouais, sais, non, c'est non, pour mais. ça, les gens, même quand je suis à côté, ils me remarquent pas, même quand je les parle, les gens n'arrivent pas à voir que je suis là. Effectivement. Non. C'est Là, vrai je que parle. c'est un de tes défauts. Tu es tellement discrète que des fois, les gens t'en oublient. J'ai ouvert la porte, j'ai initié, lancé un concert de métal, mais personne ne m'a remarqué. Du coup, je suis reparti. J'avais le seum. Du coup, vous montez en haut, c'est pas grave. Et vous vous retrouvez en fait face à une salle vide et à côté en fait un couloir. Ce couloir donne sur... Excusez-moi, 5 portes, 2 à droite et 3 sur votre gauche. Il n'y a aucun signe distinctif, aucune porte différente. Les trois à gauche, ouais, les trois à Bah, gauche. on ouvre les portes les unes après les autres, pas grave. Elles sont toutes fermées par contre. Verrouillé, Ah. tu veux dire, verrouillé. Oui, verrouillées, fermées et verrouillées. Et on n'a pas les clés. Non. Connais un bélier là, à côté, là, un bélier en sac à patate qui aime bien ouvrir les portes. Je sais pas ouvrir les portes comme ça. On pourrait aussi attendre le retour du magistrat et le choper et l'obliger à nous donner les trucs Ouais, mais qu'on veut, quoi. vous êtes tous les deux en tenue de prisonnier et moi je peux à la limite tirer des trucs à l'oreille. Hein. Non, mais on l'attend, on le plaque contre un mur et on lui fait « Donne-nous les clés !»« Rends-nous nos objets Donne-moi tes baskets, tes Rends-moi mes tuiles, effets ton personnels portable. !» Non, mais en fait, Ouais, y a on va moyen faire ça, ouais, on va qu'il faire soit ça. escorté par le mec de Exactement aussi, l'IAO. ouais. Et Alors, on c'est peut pas s'en forcément défaire une de bonne ça. idée. Je peux, pour cette fois, encore une fois, hein, j'explique pour les viewers et pour vous-même. En début de campagne, je suis très gentil, je vous donne beaucoup d'indices, etc. Au fur et à mesure, en fait, je considère que, bah, enfin, je considère que vous vous habituez à l'univers et à vos capacités, et donc du coup, ça doit venir de vous et plus forcément de moi. Valio, je sais que tu as âme vivante, et peut-être qu'il est possible pour 2 points de Wugong de bouger ton arme à distance pour essayer de la faire Et de voir venir. où elle se trouve, Ouais. de la faire venir à moi. Il utilise l'arme vivante depuis les geôles, et tu sais, t'entends un. Ah, Il là, pète toutes les elle portes aurait et le été trop loin bataille pour que je l'autorise, revient. mais Ça aurait été trop bien. le scénario qui finit en 5 secondes, l'épée qui te passe à travers tout le monde, tu vois la brochette de tous les PNJ que j'avais prévu pour la Mais campagne. attends, mais le magistrat, il est pas en train de faire son discours là? Si, il est dehors en Si, train de il est à parler. l'extérieur, mais justement, Ok, bonne ok. idée, et je vais faire ça. Je vais Voilà. complètement me servir de la. De Et notez bien vos la. capacités, parce que je vous jure, là je suis très gentil, à force je dirai pour rien. Si Ouais, vous non, mais ne galérez pour t'inquiète pas. rien. Mais effectivement, je n'y avais pas pensé comme Ne ça. t'inquiète Bah, pas, je vais j'ai le le faire. texte officiel sous les yeux là, je connais tout. Je vais me servir de ma technique de l'arme Très bien. vivante. Donc ça a coûté De 2 la points de bête. Wugong, lui. Hein. Et un test du coup de force intérieure. De Neigong d'ailleurs, pas de Wugong. Putain, je dis n'importe quoi. Moi. Tac. Et il te Contrôler à reste 2 distance son arme. Neigong. Deux actions passent. Ok, utilise la force intérieure. Ok. Ouais. Donc un jet de force intérieure. Exactement. Est-ce que mon bâton qui est un trésor légendaire peut m'aider? Non, pour le coup, c'est vraiment ta force intérieure seule. Enfin, genre, tu veux juste Ok. voir. Et j'ai rien pour m'aider en plus, c'est marrant. Pourquoi t'as combien en façade d'ailleurs, c'est ça? T'as pas beaucoup? J'ai deux. Oh, il a deux! Oula, deux en vrai, c'est très très. Bah, tu sais T'inquiète! quoi, je vais faire deux et Audacieuse! ouais. C'est où ça, force intérieure? Force intérieure, c'est, je crois, sur. Peut-être la Pardon? gauche, je l'affiche. C'est parmi les cinq attributs centraux. Ah, d'accord, ok, non, j'ai pas de force. De toute façon, tu n'as pas arme vivante. Oh Allez! non, je Ah, suis attends, attends, attends, une. attends, moi j'ai une meilleure technique. Bon, vas-y, non, fais ta force intérieure, vas-y. Bah, fais ton Allez, vas-y. jet. Audacieux. Bouddha, sois loué. Namasté. Ah! Alors, tu peux baisser de 1 ton, avec un point. Ouais, bah je vais faire ça. Je vais dépenser un point de. C'est écrit, vas-y, regarde sur Discord. C'est un point de. Gang. Yin Yang. Yang, yang, yang. Yin. Ah ouais? Ouais, un point de Yin. Abaisser le niveau de 1. Ok, je note, tu baisses de 1 de yin. Donc tu Et as je perds 5 à un point. 5. Ta différence va passer à 0. Donc tu es encore très équilibré, ce n'est pas grave. Et donc du coup, tu baisses de 1. Donc par contre, ça va faire un jet rotinier. Donc moi, je vais noter du fait que tu as fait un jet qui est pas bien. C'est honteux. Moquez-vous de lui, les Ouais, gens. c'est nul. Mais Ouh, malgré tout, ça te permet, en te à toi, concentrant facilement, parce ouh. que. C'est routinier parce que tu demandes pas grand chose en fait à ta lame, tu demandes juste de faire viens à moi, tu vois, t'es pas en train de demander quelque chose d'incroyable. Et donc, du coup, tout Viens ce que à tu vas moi. voir, c'est que sur la porte qui se trouve du coup Viens à mais. droite, la toute première, ta lame traversait le truc. Mais c'est pas une lame, c'est un bâton. Ah oui, c'est vrai, pardon, excuse-moi. Et oh, je m'excuse. C'est Xiongteng qui a une lame. Oui, bah ça va! Oui, toi tu as ton bâton qui traverse du coup la porte et qui du coup coincé entre les deux quoi. Tu vas pouvoir la récupérer à la main. Et Je maintenant mets vous la avez main une sur idée le d'où se bâton. trouve l'équipement. Je tire et je frappe sur la porte. Salope! Méchante porte, méchante. Zago de toi si j'ai raté. Très bien, tu casses la porte et du coup vous arrivez dans une salle remplie absolument partout de petits coffres, d'étendoirs. Enfin, c'est vraiment là en fait où sont stockés tous les objets pris aux gens coincés dans les geôles. Et donc, bah, rapidement, vous retrouvez chacun votre équipement, votre tenue, ainsi qu'armes. Oui. Je regarde en passant s'il n'y a pas une théière qui passe sous mon regard. Bah quand tu regardes dans la salle, oui, effectivement, il y a une jolie théière Je la en prends, je la mets dans le porcelaine, sac. je crois. Très bien, tu Fais un prends la petit théière. baluchon avec mes habits et je les mets au bout de mon bâton. Très bien. Baluchon. Du coup, vous voilà équipés. Vous retrouvez vos armes. Du coup, Baoming, tu as ton super pinceau géant. Jatseng, tu as ton bâton et Kaoka, il me semble que tu n'as pas d'arme directement, non? J'ai un doute. J'ai une épée. Il a pas son Ah, super tu as une épée, sabre. c'est ça. Non, lui, son super item, c'est Mon un pilon. item Amorti, à un pilon. 3000 pièces d'or. Exactement. Non, très bien, Case oui, tu as une de épée. Donc plomb. tu retrouves ton épée, votre équipement de base, vous n'êtes pas particulièrement armuré, mais ce sont des vêtements qui vous permettent de vous distinguer. Et mon sac. Et ton sac, mais bien entendu. Que serait Kaokai sans ses herbes Que serait ma weed sans mon sac? et... Elle serait perdue à tout jamais. Très bien, du coup, vous vous retrouvez équipé, et du coup, à cette question, du coup, maintenant, quel est votre plan? Vis-à-vis... Il nous reste deux portes à essayer. Essayer, genre, les défoncer? Ah, attends, attends, attends, attends. Bah. Dans les coffres là, il n'y a pas de. De clés? De clés, de Bah trucs, de trucs qui effectivement, il n'y a permettent de faire pas des feux. de... Il n'y a pas Il veut tout, de clé. il veut cramer le truc. Toi, Il tu veut veux cramer vraiment le truc. foutre le feu à la maison, Toi, tu veux genre. cramer le truc depuis qu'on est dans le Ah là sous-sol. là, mais ce pyromane anarchiste Bah, punk, genre. après... Mais Mais sinon, il n'y a pas un gros marteau ou une grosse hallebarde ou un truc comme ça? Non, Ah, il y en a peut-être fait, c'est l'arme pas qui une... traîne, en fait. C'est C'est pas la une théière. salle des Ah oui, pièces à putain, c'est vrai. conviction. Il a quoi déjà Il a un méga sabre. Il a un méga sabre. Oui, bon, il y a le méga sabre de Shang Tang, mais... Est-ce qu'il peut être potentiellement utile pour casser la porte? Oui, mais tu Bah, à ce n'as compte-là, on peut pas la servir de maîtrise de combat. sabre. Hein. Mais Hein? après, pour le coup, Non. je répète que tout ce qui vise à casser ou faire quoi que ce soit d'ailleurs sur cette porte en bas, c'est digne d'un immortel. Ouf. Bon, les gars, on va casser le mur alors. Elle a un sceau magique, c'est le scénario, s'il vous plaît. Ne me cassez pas. Ne le cassez pas! Quoi, le mur? On casse le mur d'à côté! Ah non, mais le mur, c'est pareil. Hein. Il est Le sauté, plafond? le C'est la sauté. salle, tu vois, elle a une empreinte magique avec sceau, scénario, ne pas passer par Attention, pas casser! là. Exactement. Bah Non, écoute, en je sais pas vrai, faire. normalement, je me justifie un peu aujourd'hui, c'est la première session, etc. Non, non, non, non, non, Normalement, non, je suis du genre à laisser pas. les joueurs avoir beaucoup d'inventivité. Typiquement, sur Mutant, hier, enfin lundi dernier, ils ont fait un truc que j'avais pas du tout prévu. Mais qui du coup, moi j'ai totalement laissé. Ça allait à l'encontre de ce que je voulais à la base, mais c'était bien, donc j'ai laissé. Mais là, vu que c'est le premier scénario, et en fait, surtout, ça me permet de cacher des joueurs qui sont absents aujourd'hui. Donc en fait, si vous ouvrez trop tôt, je me retrouve avec deux joueurs qui sont pas là. Donc c'est Bah pour tout ça, en est fait, que vrai. je laisse. Ah, donc on leur voit pas, venons se tirer, allez, on va se faire par Non, non, non, le non. feu, les gars. Votre but, c'est d'aller les sauver. Mais effectivement, Voilà le c'est fameux un saut TGM. en. Voilà, Le fameux c'est. TGM, c'est voilà. Ta gueule, c'est Exact. magique. Mais voilà, c'est. Normalement, je suis pas du genre à utiliser ce genre d'astuce, mais comme là, ça me permet d'éviter de Mais jouer avec comme deux là, c'est joueurs bien. et. Comme là, ça se Ouais. justifie, oui. Voilà. Donc, du coup, exceptionnellement, j'utilise le fameux matériel Scénarium, un matériel très, très, très utilisé dans le jeu de rôle. D'habitude, j'aime pas ça, mais voilà, pour ce soir, c'est pour ça. D'habitude, vous serez beaucoup plus libre, mais. Bah, désolé pour le premier scénario, Y a pas je de mal, y a handicapé. pas de mal, y a pas de Bon, mal. ben, dans ce cas, go ouvrir toutes les portes. Mais est-ce que c'est mal vu ou pas dans ce genre de cas de fouiller un peu ce qui se passe dans cette salle pour voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient nous être Bah, utiles ou nous c'est intéresser? pas très moral, mais c'est pas quelque chose C'est pas moral de de voler, donc d'indignaire. Enfin, de c'est pas comment manière ou d'une empoisonner autre, c'est pas quelqu'un, moral tu de vois. voler dans tout ça là. C'est ça, tu vois, genre, Bon. c'est juste de ce point de vue-là, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas comme Bon, tuer je ne le fais pas quelqu'un et ne alors. pas le laisser mourir sur son. D'accord, tu veux respecter la loi à 100%. T'en rentres évadé de prison, hein, ça c'est pas bien vu aussi. Ah Mais bon? ah ben il semblerait. Même si je suis un prisonnier à titre injuste, Je ne je ne sais. fais que faire régner la justice en libérant des innocents. À titre injuste, jusqu'à ce Bon. que tu sois justifié. Dans tous les cas, Voilà. qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il nous reste une petite demi-heure, donc. On va péter les portes et puis on va prendre. Vu que j'espère, je peux un peu manier l'épée à Mister qui est pas là. Bien sûr. Je te mettrai un malus parce que c'est sa lame est Ouais, beaucoup plus je veux bien. Ouais. Après, je sais beaucoup pas plus par vénère que contre la tienne. dans quel Après, tu peux très bien store. essayer de casser avec la tienne. Hein. Ah oui, pourquoi pas. Ouais, Ça aussi, fait un ouais. malus. C'est Attends, faisable. parce que sinon, si on a du temps à perdre, est-ce qu'il y a pas, je pourrais pas faire une petite sculpture en souvenir au Il hein. magistrat dans Y un a champ? pas de temps J'ai à pas de temps à perdre. perdre dans une évasion, mec. Oui, donc je tente à C'est juste donner. que vous n'avez pas le temps à gagner, mais il n'y a pas de temps à perdre. Mais du coup, oui, bah très bien. Pour le coup, fais-moi un jet de force, ça sera général pour tout ce que tu veux casser, parce que ça sera du même chose. Et je t'offre un dé bonus, parce que les portes ne sont pas spécialement résistantes à cet étage. Allez, parce que c'est pas du ta gueule, c'est magique. Oui, effectivement, il n'y a pas de scénarium dans ces portes-là. juste impressionnant parce que j'ai pas envie de me fouler. Non. Oh merde! Hé! Oh bah merde! Ah bah. Qu'est-ce que T'as t'as fait? peut-être Eh pas bah envie de tiens! te Allez fouler, mais t'as hop! gagné un point d'éveil. Oh là là, là, c'est le jeu Tom, est j'en ai marre. parfait, bravo! J'avoue. Du coup, bah, tu casses tout, tu vas pouvoir casser toutes les portes que tu veux. Ok, je La casse tout. première que tu casses, ça donne sur la salle de bain. Donc maintenant, bravo, à cause de lui, sa salle de bain ne pourra plus commencer. Allez, Banba, allez, Banba, on va prendre ton bain. Ah bah là, t'as la brume, on peut méditer. Non, Non, stop, non, non, s'il non, vous non, plaît. arrête. Sur la deuxième porte, tu tombes en fait sur une espèce de petite salle qui sert en fait d'endroit où il semble avoir une petite table au milieu, comme si c'était un endroit pour prendre le thé avec des invités. Et la troisième salle du coup qui se trouve à gauche est la chambre du et j'ai perdu son nom à force. Magistrat, Magistrat, magistrat, merci, magistrat. merci, merci, merci, merci beaucoup. Du coup, voilà, la porte du magistrat. Maintenant qu'ils avouent qu'on fait quoi? Maintenant que c'est ouvert, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, ça je m'en doute, mais très rapidement, je vais être Cherche très des honnête clés. avec vous. On peut. Il n'y a Maintenant que tout est défaut. aucune clé dans aucune de ces salles. C'est pas Fort Boyard. Je crois qu'on l'a compris à un moment donné. Maintenant Ok. toutes les portes, maintenant toutes les portes sont pétées, il n'y a pas moyen de les fermer, donc on peut pas faire comment dire, de petite embuscade dans une chambre, tu vois, pour choper le magistrat à Si, tu part. peux te cacher dans une. Ou alors tu te caches en haut des escaliers. Peux me cacher là, mais vous deux, vous cacherez où? Vous cachez mieux que moi. Hein. C'est juste une histoire de temps. Je sais pas si vous êtes d'accord, de temps une embuscade lorsqu'il reviendra. Maintenant qu'on est Moi, ça me armé et dérange préparé. pas. Moi, on est dans la salle de bain, là, on est d'accord ou on est dans le truc de thé? Ben là, vous êtes dans le couloir entre tout, hein, parce que comme vous fouillez un peu tout, etc., je vous considère globalement Ouais. un peu partout. Bon ben moi je me cache dans la baignoire. Ou alors on s'enfuit, Ah, carrément. c'est pas vraiment une baignoire. Ou alors on s'enfuit. Dans le grand bain. On a tout ce qu'il Oh, faut, on grand. s'enfuit, on revient plus tard. Ouais, mais on a Vous rien pouvez pour aussi. sauver nos potes. Ouais, mais on n'a pas plus d'indications, hein. Après, il faut voir avec le magistrat, mais il faut attendre peut-être le soir. Ou le midi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le matin, il peut pas être là, vu qu'il doit faire ses Et là, on obligations. est le matin. Et là, on est le matin. Effectivement. Pour vous donner une indication, il est 10h-11h, donc au pire, ça vous fait pas non plus 6h à attendre. C'est une estimation. Ben Mais sinon, on fait un vous pouvez Tao soit pour être attendre en là. pleine forme au moment où il arrivera. Arrête avec ton Tao! Moi, je me cale dans un endroit où je peux pas être vu depuis les escaliers et je l'attends. Bah, ça tombe bien, ouais, vu que en fait les escaliers donnent d'abord sur une salle qui après donne sur les couloirs avec les autres salles, toutes les salles font l'affaire. Donc tu peux clairement te mettre une salle tant que t'es pas devant la porte, tu pourras tendre une embuscade. Au Ok. moins, je prends l'endroit où il... Parce que je suis tenté, hein, pour la petite anecdote d'empoisonner truc, quoi, comment. Oui. Juste Je vois, ouais. des herbes qui donnent sommeil, je le mets sous l'oreiller du magistrat. Tout à fait, oui. Comme ça, je sais pas. Non, mais tout à fait. Puis en vrai, Ouais. c'est pas quelque chose d'ultra compliqué. Très bien. Et ça va me faire penser, en fait, je t'ai pas envoyé les règles de. Je pige que dalle aux règles, je connais rien depuis le départ, je jette des dés à l'aveugle, je sais Oh, ça va, les règles sont pas difficiles. pas. C'est toi qui fais les règles. Non, par contre, c'est vrai que pour le. Comment on appelle ça? J'ai vraiment pas les mots, je suis désolé ce soir. De sorte d'artisanat, mais avec. Ouais, enfin pour ça, il y a des règles Petit un peu bouquet, spécifiques et je te. Un petit bouquet. un petit bouquet de romarin qui fait dormir. Exactement. C'est Mais enfin, presque ouais, la c'est même ça, herbe, sympa. c'est presque la même herbe qui se fume et qui fait rire. Tout à fait. Mais du coup, en fait, tu mets ça sous l'oreiller. Et Mais que fais-tu c'est après? juste, je sais que ça servira à rien, mais c'est juste au moins ça, déjà de garder de côté. Écoute, Et je puis te l'autorise. bah, sans le déranger, je me cache pas trop loin de la sa cachette à Jiaxing. Jiaxing. Ok. Et toi, Baoming? Moi, je t'ai dit que je me cachais dans la baignoire ou l'endroit que l'utilise pour Ah se oui, laver, c'est là. vrai que tu te mettais au niveau de la salle de bain. Très bien. Du coup, vous attendez. Une petite heure suffit en réalité avant que vous commenciez à entendre des premiers bruits de pas qui s'approchent. Donc du coup, pour récupérer, vous êtes en fait face à face, donc vous pourrez le prendre de part en part si vous en avez l'envie. Sachant que Jiaseng et Kaokai sont dans la même salle et Baoming, tu es seul au niveau de la salle de bain. Fait qu'on le retourne ou quoi? Alors, je pense que Quelqu'un c'était le l'attrape pro. déjà? Quelqu'un l'attrape, donc Oui. initiative. Vous entendez du coup des bruits de pas, du coup des escaliers, et une discussion en fait qui est en cours pendant que ça arrive. Il est accompagné d'une dame plutôt âgée, sans atteindre non plus le niveau de l'autre vieux monsieur du bas, et quand même d'un caractère très mûr, bien ridé, mais pas encore aux cheveux gris. Et la discussion en fait, le peu que vous entendez avant qu'il arrive. Au point de pouvoir se faire piéger par vous, c'est... Ah, mais tu dois absolument les libérer, tu sais. Et lui fait, oui, je sais, mais... Je fais ce que je peux avec ce djinn qui me surveille. Et au moment où il dit ça, il arrive face à vous et... Et vous en faites ce que vous voulez. Et bim, j'apparais. Ouais, Ouais, Non, on c'est ça. sort et Et on bim, lui on dit... arrive. Je me place entre la. J'attrape la femme, mets ma main pour sa bou sur sa bouche pour pas qu'elle puisse crier. Et je fais, ne vous en faites pas, tout ira bien si vous ne vous opposez pas à ce qui se passe. Non, mais on sort gentiment, et on peut pas sortir gentiment leur dire vous inquiétez pas, on est déjà libérés. Je suis pas sûr qu'ils puissent le prendre super bien. C'est l'heure à la rigolade là. Bah, je sais pas, c'est pas concrètement, le, ils c'est pas veulent le nous moment pour libérer, déconner. donc si on est déjà libérés, ça ne peut Oui, que les mais avantager. lui, non, mais lui, si jamais il nous laisse nous évader, ça c'est mal pour lui, ça la fout mal. Donc Bon, bah, dans ce cas, on l'attache, hein. si on apprend que c'est lui qui nous a laissé nous évader, ça le fait pas. Donc autant faire semblant de l'avoir menacé. Maquiller une sorte de truc comme quoi il s'est fait agresser ou quoi. Mais déjà, il faut lui parler parce qu'il a rien dit encore. Bah là, il y a Johnson qui vient d'arriver, qui mobilise la femme. Donc moi Et je du suis coup, là, le apparu magistrat juste, est... je suis apparu comme ça dès qu'ils sont arrivés à portée. Il a maîtrisé donc. Et toi, bah, B-Boy, pardon, Bad Mouth, Baoming. Baoming. Bad Bah, Mouth, les moi... petits gâteaux vapeur, vous savez, les petits gâteaux fourrés à la vapeur que vous achetez chez les Asiatiques. C'est ça le Bad Mouth? Bah, c'est un Bah, prénom moi je aussi. reste dans ma cachette. Si je n'ai rien à faire, je reste dans ma cachette. D'accord. Bah, du coup, le magistrat est libre, hein. J'interpelle le magistrat, je lui fais. Je vous invite à aller dans votre chambre. Je suis fatigué moi aussi, gosse. Shred, T'inquiète, pardon. t'inquiète. Donc je vous invite à aller dans la chambre, on va parler comme ça, pas dans le couloir, parce que sinon, si la porte est Tu vois défoncée, au moins dans la que chambre on est tranquille. il se recule juste en vous faisant un petit signe, en mettant le doigt devant la bouche, et il se recule en rentrant dans la chambre comme demandé. Bah, je sais pas comment faire pour fermer la porte maintenant qu'elle est pétée, Alors oui, mais voilà. vous le rejoignez. Janseng, toi, la personne que tu maîtrises, Ne fait fais d'un rien pour coup, te... Non, même pas. d'un mouvement, en fait, se libère de ton emprise, mais genre Ok. hyper violent, en fait, genre, elle te pousse le bras, mais c'est genre d'une vitesse où tu t'y attendais pas, surtout qu'elle faisait aucune opposition au moment où tu l'as fait, tu vois, genre elle était juste tranquille, elle te pousse et juste elle suit les autres pour entrer dans la chambre, quoi. Je suis impressionné par cette femme. Moi aussi. Et quand elle me repousse, je fais mille excuses. Tu vois, elle accepte Ça, vos par contre, je le regards fais pas. et monte. Bon, bah, on suit le magistrat. Très bien. Vous rentrez tous du coup dans la chambre du magistrat. Vous lui faites face. La dame, elle se trouve de votre côté. En gros, vous faites 3 contre les deux. Dites-moi du coup, bah, comment vous entamez la conversation? Est-ce que vous attendez peut-être que c'est à vous? Alors, nous aimerions, maintenant qu'on a réussi à sortir de nos écoles, savoir où sont nos amis. Ils sont Et si aussi que jamais, là. parce que nous avons fait la découverte d'une porte scellée, c'est écrit TGM, je ne sais pas ce que ça veut dire, et je me demande si nos amis, ils sont bien derrière, comment déverrouiller cette porte. Quel cas, ça sera to be continued. Alors, oui. non, effectivement, ils sont à ce niveau-là, au sous-sol. Le djinn avait, pour une raison que j'ignore pour le moment, avait envie de les isoler de vous. J'ai effectivement les clés sur moi, mais vous comprenez que il va falloir faire en sorte que je sois innocent de... Séquestré, on va vous faire un maquillage de séquestration. C'est un Mais peu bien, comme le donnez-les-nous, cheval, vous c'est un n'aurez peu qu'à comme dire qu'on vous a l'équitation. frappé. Ouais, je te mène aller-retour de 3 petites baffes et c'est fini, ça arrive. Ah, qui fouille dans sa petite besace, il sort du coup une clé qui vous tend. Ouais, du coup, je peux Quand le gérer. vous aurez fini, jetez-la au plus loin que vous pouvez, qu'elle soit jamais retrouvée. Ça me semble logique. Ok. Cette salle a un quelque chose de particulier. Je ne crois pas, mais vu l'attachement qu'a eu le djinn pour les enfermer spécialement dans cette salle, j'aimerais qu'une fois ouverte, elle puisse rester ouverte à tout jamais. Eh, Elle une sera nouvelle faite salle pour être bizarre, hein. on la jettera dans un volcan en feu, en activité. Alors, Non, après avoir non, partagé non, un non, autre périple. plan. Là, par contre, là. Attendez, Après avoir parce que oublié si le jamais. grand lupin. Non, mais si la salle est si importante que ça, si bizarre que ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on garde les clés sur nous. Oh putain, le vieux qui se défend. Non. Ne dis pas ça. Bref, moi je dis, il sera fait selon votre volonté. Je prends la clé. Oui, mais Je la non, mets mais on dans lui une dit pas, petite mais on les poche. garde. Non, mais pour le moment, langue du barde, t'inquiète. Ouais. Bah, du coup, est-ce que je peux lui mettre son aller-retour pour faire comme s'il a été forcé? J'ai très envie de gifler quelqu'un depuis la pièce de monnaie. Alors non. Par contre, ce qu'il propose, c'est tout simplement de le ligoter, lui et la dame, pour qu'il soit vraiment en position d'infériorité, ce qui est humiliant, mais d'un côté permettra. Enfin, c'est tellement humiliant, tu vois, que ça semble insensé qu'il le fasse de sa volonté. Ouais. Je fais ça, je prépare le cordelage, peu Mais importe s'il n'y a pas de traces de combat, c'est pas réaliste. y a déjà les portes Il a pu cassées. se rendre, il a pu dire qu'il s'est rendu parce qu'on était genre 15. Alors, et aussi, c'est un magistrat, ce n'est pas un chef d'école d'art martial. Hein, c'est un magistrat. Lui, son truc, c'est le droit. C'est un lettré. Et tous les lettrés ne pratiquent pas les arts martiaux, bizarrement. Mais comme il le Je... propose, en fait, comme il propose ça de lui-même, je trouve ça très courageux de sa part. Et je sais pas, je le remercie. Et je récupère la poudre odorifère, enfin l'herbe odoriférante de sous l'oreiller, sinon. Tu la récupères. J'ai rien laissé, t'inquiète pas. Et puis c'est mon bien là-bas, Et c'est mon bien. Voilà. dans tous les cas, oui. Je peux, avant de les ligoter, je leur demande quels sont leurs noms, histoire de ne jamais les oublier. Ah, j'ai Alors. mis dans notre cœur. Alors, les oubliés, ils vont pas mourir. Hein. Mais Non mais si jamais parce qu'ils ont l'air d'être avec nous donc bien sûr. je Le magistrat s'appelle Yang Shun. Et la dame s'appelle Mama. Ou Maman. du moins, c'est le nom qu'elle te donne. Oui, Mama. Ok d'accord je vois qui. Maman. Et du coup je lui dis ah c'est vous qui avez fait enfermer Denshin. Tu vois que quand tu dis ça, une incompréhension sur le regard en mode, pardon, qui? Le Le vieux qui vieux de vous la a cellule. volé une. Vous le connaissez pas? Le vieux. Je n'ai Un pas vieil homme vécu de qui vous vol aurait. récemment, non. Bah, un vieil homme avec une touffe ébouriffée et une calvitie. Très bien. Non, j'ai pas été en contact avec. D'accord. Ah, c'est pour ça qu'il voulait pas monter le fourbe. Venez, on va le chercher. Tu vas voir, on va descendre, il est plus là. Bah, au pire, Là, venez, on prend non, Mama mais. sur l'épaule. Et on lui montre. Non, on lui dit merci beaucoup. Ce que vous avez fait pour nous, nous ne l'oublierons jamais. Nous vous sommes éternellement redevables. Bonne continuation. Et on s'en va. Et moi, je Et sors de on la salle de repasse bain. tout l'arrière. Et moi, tu sais, je me dépêche et je fais Et Tac, attends. reviens ici! Qu'est-ce que tu viens d'entendre? Sors de la salle de bain. Quoi? Tu viens de De dire quoi? où tu sors de la salle de bain. Bah oui, je t'ai caché dans la salle de bain depuis le début, je Voilà. suis pas sorti moi. Ok. D'accord. Je pensais, mais tant pis. Mais du coup, Jatsang se descend en vitesse avec l'envie de retrouver apparemment un petit vieux. vous descendez du coup bah, tous les trois, du coup pour retrouver vos amis. Vous arrivez de vous du coup devant la salle où il y est encore effectivement, il n'a pas bougé, toujours dans la posture de son arbre. Et il est là, devant la porte. T'es pas parti. Ok, il répond Je vous laisse vous deux aller d'y voir. délivrer. Moi, Oui. Moi, je veux emmener Danchi voir Mama. Attends, Après, non, attends, mais là, attends, on n'a attends. pas le temps. La Attends, discute je avec suis. Et Voilà, c'est tout. Kaoxin? Ouais, avec qui tu veux discuter avec? Le petit vieux, là, Ah, bah de toute façon, il est devant la salle où sont vos amis, hein, donc. Mais plus tard, ouais. Voilà, mais en fait, Donc moi vous pouvez j'arrive comme ça, discuter. je fais. Oui. D'y voir, c'est marrant parce que. On a vu Mama. Elle dit que t'es. Elle dit qu'il n'existe pas de Genshin et qu'elle n'a pas été volée récemment. Je veux savoir pourquoi. Tu es qui? Vois qu'il bouge Ah, pas. Mama! J'ai compris Lama, moi, l'auberge Lama. D'accord, je me dis, putain, une auberge Lama. Lama. Aïe, aïe, aïe, aïe. Alors, rien là-bas. L'auberge à Lama, ouais, une auberge à Lama, d'accord, mais bon, j'ai rien dit hein, sur le coup, hein. Et au bout de quelques longues secondes de silence, qui lève la tête, son fameux geste qu'il fait à chaque fois qu'il semble se réveiller. C'est vrai, là, mais... Tu dois te tromper, j'avais volé un joli. C'était quelqu'un d'autre. C'est pas cette théière là que je veux sortir. Tu sors à terre, tu vois qui se lève. Ah, mais oui, c'est elle! Regardez, elle est Ben belle, hein! voilà. Ah ouais, viens, on tape le thé. On tape le thé. On se fait des dominos. Et on prend un coup. Donc tu vois que genre du Je coup il a rigole, je fait de rigole, hein, je rigole. l'invitation. Ah bah Mais c'est vous cool, voulez, hein, de toute façon, c'est le vous moment. voulez pas Hein. monter, le On tape confronter à le un thé mort pour ou pas? Bref, Denshin. Oui. Maintenant que t'as ta théière, ne penses-tu pas qu'il serait temps de sortir de cet endroit? Non, moi je veux le Vous confronter à un avez mort, les bien gars. raison. Tu vois que il met la théière Non, dans non, sa attendez, tenue, qui attendez, fait une attendez. grosse bosse qui dépasse, hein. C'est une Oui. théière magique, ça. Si il part juste à cause de la théière et s'il a été impressionné comme ça, c'est pas une théière normale. Non, mais Dans tous les déjà cet cas. homme, je l'adore, je le garde avec moi et je deviens son ami. Ah Il non, mais le ce range, bonhomme, il est excellent, ce bonhomme. il vous regarde et se casse en courant. Mais genre, lui qui avait des mouvements super longs jusqu'à maintenant, se met à courir comme Ah le bah jeune là, homme il a et pu en faire des deux tapis, hein, c'est secondes sûr. se Il est trouve en fait parti. en dehors de vous. Il a C'est une fini. théière magique, les gars. Non, mais ça me semblait évident. Le mec est beau, il a un truc. Bref, moi j'ouvre la Allez, porte. confronter à maman, je vous ai dit, hein. Non, Ah non, mais mais écoute. vous ouvrez la porte On avec n'a la pas le clé. temps de toute façon. Et de l'autre côté se trouve du coup Shuang Manzhao et votre ami. J'ai une paire de mémoire maintenant, ça va pas le faire. Xiang Teng. Et de manière totalement nulle, c'est la fin de cette session. Tadadam, c'est Je le petit n'avais fait pas dur de merde. de. Oui! Non mais. Non, normalement, dans Attention! la vraie vie, il Et pourrait sortir tout. tadadam! Mais non, mais de toute façon, vous savez ce qu'il y avait derrière. Il n'y avait pas de surprise, donc effectivement, juste vous ouvrez la porte et vous voyez vos amis. Il n'y avait pas de scène érotique non Dont plus, l'un hein, ça dans un va. très très mauvais état. Aïe! Et c'est là qu'on s'arrête, pour la simple et bonne raison, que ces fameux amis ne sont pas présents. Donc, moi, je n'aime pas jouer des personnages qui ne m'appartiennent pas, donc je ne me permettrai pas de RP leur perso. Donc on va s'arrêter là. Je tiens à préciser que Yamato se Oui. manifeste dans le chat depuis tout à l'heure en disant « Mais je suis là! » Oui, mais il n'est pas là finalement. Il est là, le petit bâtard. Du coup, je vous demandais de vous taire juste 30 secondes, le temps que je mette le générique de fin. Merci YouTube d'avoir regardé cette rediffusion. Sur Twitch, ne bougez pas, on revient dans pas longtemps. Mais ce n'est pas le bon. Non, on coupe les micros. Voilà. Hop.